Stephen King aime la retraite, Stephen King aime la fiancée d'Edmond Dantès, Stephen King a écrit Monsieur Mercedes et David E. Kelly l'a adapté. À tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis en distanciel avec Chris, ça va ? Salut, salut, ça va, oui. Et toi-même ? Bon, ça va aussi. Quoi de neuf depuis les derniers enregistrements ? Bon, pas grand-chose. De la lecture, du visionnage de films, du jeu vidéo, du visionnage de séries dont on va parler tout à l'heure, voilà. Enfin, tout à l'heure, dans quelques instants. T'as pas regardé d'autres séries ? Non. Non, tu sais, je regarde quasiment plus maintenant. Ouais, manque de temps. Ouais, c'est ça. Ceci dit, même les films, j'ai pas eu énormément de temps, moi, dernièrement, avec tout ce que je fais. Il va falloir que je me rattrape à un moment, quand même. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu une année plutôt calme, niveau cinéma. J'ai eu un début d'année surtout fait de rattrapage de 2023, en partie à cause de toi. Oui, c'est ça. Mais même des films hors cinéma, j'en ai pas vu tant que ça, là, les deux dernières semaines. Oui, pareil. Quelques trucs, et j'aimerais bien... réussir à reprendre un rythme, mais pas énormément. Pareil. Mais disons que je revois certains films, en fait. Parce que réédition dans des belles éditions, et donc je me les reprocure, donc je les revois. Voilà. Oui, ça m'arrive aussi en ce moment, en me reprenant des éditions de films asiatiques, que pour certains, j'ai déjà vu. Je sais pas si t'as vu, d'ailleurs, le très beau coffret 14 films de Bruce Exploitation qui va sortir, là. Ah non, j'ai pas vu, c'est chez qui ? C'est anglais, c'est chez Severin Films, ah, je crois. D'accord. Mais va aussi y en avoir un français, mais avec seulement 6 films pour le coup, chez Pulse, je crois. Ah, chez Pulse, ouais. Ils se font les spécialistes du nanar depuis un moment. Ouais. C'est eux qui sortent les films en coprod avec Nanarland, certains films, notamment. Oui, qu'ils ont fait dernièrement les films de Benny, d'Alphonse Benny. Ouais, Karaté contre Mafia, Cameroun Connection... Ouais. Voilà. C'est celui-là qu'on avait vu en Nanarland, non ? Non, c'est pas Cameroun Connection, c'en a un autre. Je ne sais plus lequel, par contre. Non, j'ai plus le titre en tête non plus. Il est passé à une Nanarland, mais c'était pas la nôtre. Oui. Ce qui est triste. Ça remonte, alors. On commence à en avoir fait pas mal. C'est vrai. Ah, et Black Ninja, voilà. Ah oui. Voilà. Oui. Bah, bien entendu, votre serviteur les a chez lui. Moi, ceux-là, je les ai pas. J'ai investi dans d'autres trucs dernièrement. Mais pour le coup, la Bruce Exploitation, le coffret 14 films, je vais peut-être me laisser tenter. Hein. C'est quand même du beau. C'est quand même du bel ouvrage, là. c'est un peu ça, le cinéma, voyons. Ouais, voilà, c'est ça. Le cinéma qu'on aime, en tout cas. Bon, donc aujourd'hui, on n'est pas réunis ici pour parler de Bruce Lee ni de ses clones. On est réunis ici pour parler de Monsieur Mercedes. C'est bien un dommage. Roman de King et son adaptation en série télé. Et donc, je propose qu'on y aille tout de suite. Nous allons spoiler le roman et la série. Eh bien, allons-y. Donc, Monsieur Mercedes nous raconte l'histoire de Bill Hodge, un détective à la retraite depuis assez peu de temps et qui déprime depuis qu'il est à la retraite. Surtout qu'il rumine les affaires qu'il n'a pas réussi à conclure, et notamment celle de Monsieur Mercedes, un type qui a roulé avec une Mercedes sur des chômeurs qui attendaient pour une grande foire à l'emploi, et qui a tué plus d'une dizaine de personnes et qui en a blessé beaucoup d'autres, et qui s'est échappé sans qu'on retrouve la moindre trace de lui. On suit en parallèle Bill Hodge, le détective, et Brady Hartsfield, qui est le tueur, c'est Monsieur Mercedes, qui tente de pousser petit à petit Bill au suicide en le harcelant. Le roman est annoncé par King dès fin 2012, parce qu'il dit à cette époque qu'il est en train d'écrire un roman sur un détective retraité harcelé par un tueur. Il disait qu'au début, ça aurait dû être une nouvelle. En fait, ça aurait dû juste être l'histoire du détective seul chez lui à la retraite qui se souvient des vieilles affaires et qui reçoit l'équivalent de la première lettre de Brady qui se finit sur « Je suis sûr que vous avez encore votre pistolet de service et que vous avez très envie de le mettre dans votre bouche. Oui. » Ça aurait dû se finir là-dessus. Et puis finalement, King s'est dit que ça, il y avait quand même de quoi faire un projet plus ambitieux. Ça lui avait été un peu inspiré par une histoire vraie d'une femme qui avait chargé comme ça des gens sur un parking de McDonald's avec une voiture. Et au moment de se lancer dans le plus gros projet, il hésite un peu parce que c'est la première fois qu'il fait finalement du polar à proprement parler. C'est vrai. Mais finalement, il se lance. Le roman est publié le 3 juin 2014 et très peu de temps après, le 10 juin, sur Twitter, King disait déjà que ça aurait deux suites. En annonçant qu'il avait terminé le premier jet du deuxième, Finders Keepers, donc Carnet Noir. Et il donne aussi, dans un message sur son site, la liste des victimes de Brady, étant donné que Brady est un personnage dont on reparle en tout cas dans la trilogie. Le livre va recevoir l'Edgar Award du meilleur roman. C'est un roman qui est plutôt apprécié, même s'il ne fait pas partie des King les plus célébrés. Il est globalement pas trop mal placé dans les classements, on va dire. Mais j'ai pas forcément tant de choses de plus à en dire, à part que un personnage qui aurait dû être secondaire, Holly Gibney, va finalement devenir un des personnages les plus récurrents de King, puisqu'elle en est déjà à sa sixième apparition. C'est Cinq vrai. romans, donc la trilogie Bill Hodge, L'Outsider et Holly, et une longue nouvelle. If it bleeds, si ça saigne. C'est vrai que ça commence à Donc, faire. c'est quand même la naissance de toute une période pour lui. Bah oui. Et je crois que Jérôme Robinson apparaît dans les 6 aussi, même s'il est peut-être pas dans l'Outsider, Jérôme. Ou alors il est peut-être mentionné. Je sais plus. Il est dans les autres, ça c'est sûr, mais peut-être pas dans l'Outsider. Oui, c'est des personnages Mais il est récurrents. mentionné, ça c'est sûr. Et donc on va pouvoir directement passer à nos avis. Eh bien, je t'écoute. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était un très très chouette roman. Mister Mercedes, je l'avais lu maintenant il y a quelques années de ça. J'ai dû le relire en mode diagonale pour le visionnage de la série télé qu'on abordera après, qui elle, par contre, est une découverte. Non, c'est vraiment un très chouette roman, effectivement, c'est la première fois que King se lance dans le polar pur jus. Je peux comprendre les réticences de certains, surtout si on est habitué à lire du polar, c'est-à-dire que c'est quand même très, j'allais dire classique, mais en fait très cliché même dans beaucoup de points. Le personnage de Brady en lui-même est très cliché, hein, le mec totalement paumé dans sa vie, qui a eu une jeunesse traumatique, qui a une relation très bizarre avec sa mère, l'histoire autour de son frère, le mec qui du coup pète un câble et se met à vouloir trucider les gens et à se venger en fait de l'humanité, c'est extrêmement classique. Hodge, le détective qui sort de la retraite, de la retraite, qui pour démener cette enquête qu'il n'a jamais réussi à finaliser, c'est également très classique. Mais l'une des forces en fait de Monsieur Mercedes, eh ben c'est ça, c'est tous ces personnages qui sont finement écrits, qui sont très attachants, bon à l'exception de Brady, mais c'est clairement voulu, qui sont très attachants et qui font qu'on a réellement envie de savoir que va-t-il leur arriver à tous ces personnages. Et c'est vraiment Ah, comment on dit l'expression consacrée, tu sais, quand on dit d'un bouquin, on ne cesse d'avoir envie de tourner la page. Alors, un page turner en anglais. Voilà Je un sais pas peu. s'il y a une expression française. Mais pour le coup, je trouve que Monsieur Mercedes est vraiment un énorme page-turner, quoi. Peut-être même l'un des plus grands page-turners de King, alors que certains. Voilà. Ça a été vraiment dur, en fait, à ma première lecture Même si c'est un bouquin auquel j'ai mis une petite pause à un moment parce que il m'est arrivé des trucs en parallèle, mais je l'ai lu en deux sessions et ça a été deux sessions très courtes. Ouais. Bah moi, Monsieur Mercedes, c'est aussi un roman que j'aime vraiment bien. Bah, les romans comme ça, polar, au final, l'enquête, évidemment, a un rôle important pour que l'intrigue marche, pour Oui. qu'on s'y intéresse. Mais je trouve que la création de bons personnages est aussi importante, et notamment la création de bons personnages du côté des enquêteurs. C'est pas pour rien qu'on retient dans les grands classiques du policier et des polars, des Hercule Poirot, des Maigret, j'en ai moins lu, mais il y est quand même, des Sherlock Holmes, Colombo à Des la Nestor télé, dans les Burma. classiques, Nestor Burma, j'ai jamais lu pour le coup Nestor Burma, enfin je connais pas du tout. Mais ce sont des noms quand même marquants, quoi. Oui, voilà, c'est parce que les personnages d'enquêteurs sont très emblématiques. Oui, les enquêtes sont bien, et encore, dans tous les noms que j'ai cités, c'est des gens qui ont eu tellement d'enquêtes qu'il y en a des plus faibles. Oui, forcément. Mais les personnages sont tellement réussis que finalement, on aime bien toujours y retourner. Et c'est encore le cas dans les contemporains, genre Adamsberg, que j'aime beaucoup. Et c'est un peu ça, la force de Monsieur Mercedes, c'est qu'effectivement, il a des très bons personnages du côté des enquêteurs, même si en effet, Bill est plutôt cliché. Son côté vieux, un peu boomer, pas très au fait de plein de trucs niveau technologie, un peu râleur, mais qui retourne au combat, Oui, voilà. ça le rend bien attachant. Au final, ses assistants, entre guillemets, sont moins présents dans ce premier tome parce que c'est le temps de les poser, mais ils reviendront beaucoup plus dans les deux suites. Donc Jérôme, son voisin, qui est un ado très fort en informatique, et Holly, dont on reparlera, qui est elle aussi très douée en informatique et qui est une adulte d'une quarantaine d'années avec Oui. des gros soucis de TOC, enfin ce qui ressemble clairement à une sorte d'Asperger en fait. Oui, voilà. Ils deviendront récurrents par la suite. Bah, même Il si y a Jérôme a déjà une part assez importante dans Monsieur Mercedes. Oui, Jérôme un peu plus, oui. Celle qui aura plus d'importance aussi dans les futurs tomes, mais alors surtout à partir de Si ça saigne, c'est la sœur de Jérôme, Barbara, D'accord. qui là, pour le coup, est vraiment très secondaire dans le premier tome et même dans le reste de la trilogie Bill Hodge. Bah dans le premier tome, c'est vraiment une gamine, quoi, c'est une enfant. Oui, c'est ça, et puis comme ils sont plutôt. Comme ils sont dans l'ordre chronologique, au final, elle est jeune pendant toute la trilogie. Mais donc voilà, ça pose un univers qui est très réussi. L'enquête est assez classique. Au Oui. final, comme dans pas mal de polars, c'est tout un genre dans le hard-boiled, ça n'a pas joué sur savoir qui est le coupable, vu qu'on le sait très très Bah, tôt, c'est mais ça va ça. jouer sur comment est-ce que l'enquêteur va réussir à trouver le coupable et aussi savoir comment il a agi, ce coupable-là. Et encore là, c'est vraiment, il y a finalement, depuis tout à l'heure, on emploie le mot enquête, alors qu'il y a très peu d'enquêtes en fait dans Monsieur Mercedes. Ils arrivent vraiment à remonter la piste de Brady uniquement via beaucoup de dialogues et quand même certains coups de peau. Oui, notamment le gars qu'ils interrogent, le surveillant de la rue, là. Oui. Donc oui, c'est l'aspect enquête. Est vraiment secondaire dans Monsieur Mercedes. Je sais pas si. Parce que pour le coup, Carnet Noir, je suis en pleine lecture, donc. Et encore, j'en suis qu'au tout début. Je ne sais pas si cet aspect prendra plus de place dans le reste de la trilogie Hodge ou pas. J'en ai plus un souvenir assez marqué, mais peut-être dans le 3. Mais peut-être dans le deuxième, justement. Peut-être dans Carnet Noir. Carnet Noir. Mais c'est celui dont je me souviens le moins bien, parce que c'est celui que j'aime le moins dans la trilogie. Par contre, c'est pas mal présent dans le dernier avec Holly. Holly, Dans pour le coup, il y Oli. a vraiment une enquête assez construite. D'accord. Mais oui, effectivement, là, on part sur de l'enquête policière à la Columbo, en fait. C'est-à-dire que le criminel nous est montré dès le début. On sait qui c'est, il n'y a aucun suspense là-dessus. Ouais. Ce qui va La être différence intéressant, étant que comme dans dit, Colombo, c'est. on a l'impression que Colombo le sait aussi dès le début qu'il est Oui, c'est vrai. criminel. C'est vrai. Et oui, là, le principal intérêt est de savoir comment on va remonter sa piste. Même pas pourquoi il l'a fait, parce que là en l'occurrence Brady il est juste il a juste un pet au casque et il veut juste il déteste juste tout le monde, il n'est fait que de haine, c'est Oui. dit un moment dans le roman et c'est redit aussi un moment dans la série, il n'est fait que de haine et voilà c'est tout, elle est là l'explication. En même temps, on peut admettre, c'est effectivement classique, mais qu'il a eu une belle enfance de Oui, merde. clairement, clairement. Pour le coup, je trouve que tout le passage, parce que en gros, son enfance, c'est que sa mère, c'était une ancienne vedette du lycée qui a pas vraiment réussi à réaliser ses rêves après. et qui a eu deux enfants, donc Brady, et il avait un petit frère. Alors, a Francky. priori, Brady avait un pète au casque dès le départ, Oui. mais le petit frère, suite à un accident, a gardé des séquelles, enfin un handicap mental assez prononcé, parce qu'il a eu, il a manqué d'oxygène pendant beaucoup trop longtemps. Oui, parce qu'il s'étouffait en mangeant. En mangeant, je ne sais plus quoi. Alors, Oui, dans la une pomme, série, voilà, dans c'est la un bout série, de une pomme, pomme. mais je me souvenais plus si c'était pareil dans le roman. Ouais, c'est pareil dans le roman. Donc voilà. Et du coup, Brady et sa mère ont tué le petit frère de lassitude pour plus avoir à s'occuper de lui. Donc bon, quand t'as tué ton frère et que t'as à peine 10 ans, oui, forcément, ça marque un peu. Et je le trouve plutôt touchant, tout ce qui entoure le frère, pour le coup. Oui, clairement, oui. Parce que la vraie victime dans l'histoire, elle est là, quoi. C'est vraiment Oui. ce pauvre gamin qui, lui, n'a rien demandé, quoi, malheureusement. Et surtout que la scène où tout ça est raconté, c'est vraiment poignant, quoi. Ouais. Les flashbacks sont assez efficaces, ils sont courts en plus, hein. Je me rappelais plus. Parce que je savais qu'on en savait pas mal sur Brady, mais j'ai été surpris en le relisant que chaque flashback soit finalement assez court, il fait que quelques pages à chaque fois. Oui, mais ce que j'allais dire, ce que j'aime bien, c'est que c'est distillé tout au long du roman. On ne le sait pas forcément dès le début, ça. Rien que Non, ça, effectivement. l'histoire du frangin, ça intervient facilement à la moitié, si ce n'est un peu plus de la moitié du roman. C'est vraiment Oui, c'est distillé tout quelque le long. chose comme ça. Et ça, Ouais. c'est très appréciable, parce que ça dépeint le personnage et sa folie vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est pas montré cash tel quel, regardez, il est fou parce que... Non, non, c'est il est fou. Du coup, on le déteste. Au fur et à mesure, on commence à comprendre un petit peu. Alors, sans vraiment non plus totalement le pardonner, il y a des moments où on commence à avoir un peu d'empathie pour lui quand même. C'est ça la force Oui. du roman aussi. Et surtout beaucoup d'empathie pour la mère qui elle aussi a pas mal douillé. Hein. Effectivement, bon après elle a l'air pas mal tarée aussi à la fin, donc pareil, pas une empathie totale, mais Oui. oui, elle a pas mal douillé la mère, ça. Elle a pas eu une vie facile. Et donc le parcours de Bill, en fait, ça va être de retrouver goût à la vie dans ce tome-là. Ça joue bah, le détective dépressif à la fin, enfin au moment de la retraite. C'est cliché, mais ça repose sur des trucs apparemment assez vrais sur la psychologie des policiers retraités. C'est assez régulier qu'il y en ait qui fassent des dépressions comme ça en se retrouvant retraité. Et je trouve que ça traite pas mal de l'enquête qui lui redonne un but et qui aussi lui permet de se réouvrir aux gens. Oui, C'est clairement. aussi ce qui est pas mal montré bah, via Jérôme, parce que c'était son voisin, il lui parlait un peu, mais a priori il n'était pas non plus très proche et ils deviennent beaucoup plus proches dans le roman. Oui, il lui faisait juste tondre la pelouse, et voilà, il y avait une relation, mais c'était minime. Ouais, c'est ça. Et ça va surtout ressortir avec Janie et Holly. Donc C'est vrai que Jane. Janie, on n'en a pas encore parlé pour le Non, coup. bah parce qu'on n'a pas encore abordé vraiment l'enquête en elle-même, finalement. Parce qu'on Oui, a, voilà, c'est ça. on a parlé de Brady, donc surnommé par la presse Monsieur Mercedes, qui a tué un peu moins d'une dizaine de personnes. Dans le roman, c'est 8. Ah oui, c'est dans la série que le nombre est un peu augmenté. Oui, comme souvent d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qu'on avait déjà noté. Souvent, dans les adaptations de romans, le crime est toujours doublé. Parce que Oui, vraiment, dans la série, c'est 16. Là, c'est 8. Dans la série, c'est 16. Je sais pas, à croire que les producteurs se disent oh non, 8, c'est pas suffisant, il faut faire plus sensationnel. Bon, alors qu'en vrai, bon, buter 8 personnes, c'est quand même Oui. assez. Hein, voilà, ça suffit, quoi, au bout d'un moment. Toujours plus de Faudrait le faire violence dans avec ce tout, genre monde. les 8 filles du docteur Marsh, les 6 mousquetaires. La vache. Eh oui. Du coup, l'adaptation de 300, ça aurait dû être 600. Alors, le Ouais, bordel, c'est toi. ça, ça aurait dû, ça aurait dû. Mais donc voilà, donc il écrase 8 personnes à une bourse à l'emploi. Suite à ça, donc il y a une enquête et finalement la police remonte jusqu'à Olivia. Ah, j'ai oublié son nom. Trelawney, je Oui, crois. Trelawney, qui est en fait la propriétaire de la Mercedes qui a été volée par Brady. Et cette dame-là a une sœur, c'est Jenny, qui va avoir une relation ensuite avec Hodge. Olivia, au début du roman, est déjà morte Oui. parce qu'elle s'est suicidée, en fait. parce que la police, enfin c'était une personne pas très appréciable apparemment, Oui. et la police l'a plutôt harcelé autour de la voiture volée en lui disant si si vous avez forcément oublié votre clé sur la voiture, c'est pas possible qu'il l'ait volée autrement, alors qu'elle, elle affirmait que ce n'était pas le cas. Voilà. Et en plus, derrière, Brady en a joué parce qu'il a déjà, il s'est déjà entraîné à pousser des gens au suicide. Il l'a fait avec Olivia, justement, en jouant sur sa culpabilité. Et il lui a envoyé des Avec la même lettres. méthodologie qu'avec Bill, il lui envoie des lettres pour jouer là-dessus. Et il lui donnait aussi rendez-vous sur une espèce de forum de discussion instantanée anonyme qui s'appelle le parapluie bleu de Debbie. Voilà, Debbie's Blue sous le Umbrella. parapluie bleu de Davy. Mais oui, du coup, il la faisait culpabiliser en. Bah, lui aussi, en lui disant qu'elle avait oublié ses clés sur la bagnole. Donc, du coup, bah, elle est en partie responsable de tout ça. Parce que. Il joue sur le fait que bah si elle n'avait pas oublié ses clés, il n'aurait peut-être jamais volé la Mercedes et donc il n'aurait jamais fait ceci. Voilà, c'est sur ça en fait qu'il joue pour la pousser au suicide. Ouais. Donc On va découvrir justement que, on peut le dire tout de suite, que il n'a pas, les clés n'étaient pas oubliées. non. Brady a une technique pour réussir à voler les voitures en piratant le signal de la clé électronique. Oui, via un appareil qu'il a baptisé Truc. Il y a Truc 1 Oui. et Truc 2. C'est le truc 2, ça, c'est ça. Je crois que c'est Truc. Non, c'est Truc 1. Truc 2, c'est l'appareil qui servira plus tard, justement. Ah oui, pardon, oui. Truc 1, c'est celui pour ouvrir, justement, les portes de certaines bagnoles. En se servant, en fait, de. Or, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer. Pour le coup, c'est bien mieux expliqué dans la série télé, je trouve. En fait, il attend que quelqu'un ouvre sa bagnole avec sa clé à distance là, et du coup son appareil utilise la fréquence pour lui-même la mémoriser pour ensuite faire un double un faux double en fait de la clé d'ouverture à distance. Ouais. Donc il utilise ceci parce que Brady est un petit génie de l'informatique. C'est un détail qu'on n'avait pas dit encore. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a pu approcher Olivia dans un premier temps parce qu'il travaille aussi dans un magasin d'informatique et Olivia faisait partie des clientes régulières parce qu'elle était nulle avec son PC. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça lui a permis aussi d'installer plein de saloperies sur le PC d'Olivia, qui Oui. justement joueront aussi sur la culpabilité. En fait, il va s'en servir pour lui faire entendre des voix et ce genre de choses, puisqu'il va mettre des enregistrements de gens qui crient, de gens qui pleurent. Oui, notamment la mère et le bébé, qui Voilà. sont les deux victimes qui reviennent le plus à la mémoire d'un peu tout le monde, parce que c'est les plus horribles. Oui. Oui, il a deux métiers, Brady, qui lui permettent tous les deux de surveiller les gens. C'est son métier de réparateur informatique et il est marchand de glace aussi. Et il patrouille notamment tout le quartier de Hodge et c'est comme ça qu'il peut le surveiller sans se faire voir lui-même. Et c'est quelque chose qui est très bien foutu dans le roman, c'est que vraiment ça fait en sorte que Brady soit une menace constante tout le long du roman en fait. Parce qu'il y a plein de moments où Hodge juste enquête ou même juste discute avec Jérôme de divers sujets et en narration, on nous fait bien comprendre que ah, il y a la musique du vendeur de glace, et toi-même, instinctivement, tu sais que Brady est dans les parages. Oui, C'est bah, très il y a bien fait. d'ailleurs une scène où il discute de l'enquête en allant acheter des glaces. Oui. Et effectivement, ça fait ressentir la menace, surtout quand Brady envisage de s'attaquer pas directement à Bill, mais au chien de De Jérôme Jérôme. et Barbara. Oui. J'ai reçu une lettre de mon nouveau correspondant. Il s'est mis à écrire cette fois. Sérieusement? Ouais. Quoi? Des preuves tangibles, il devient négligent. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas tes oignons. Ça regarde que lui et moi. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, je suis votre Watson, moi, Sherlock. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Regarde juste le post-scriptum. N'y touche pas. PS, si vous voulez me contacter, allez voir sous le parapluie bleu de Debbie. Je vous ai même trouvé un pseudo, Kermit Frog 19. Et votre mot de passe s'est écrabouillé. Il connaît même mes prénoms. Quoi? Mon premier prénom, c'est Kermit. La dernière fois que je l'ai entendu, j'avais 17 ans. Le jour où j'ai quitté l'Irlande pour venir ici. Comment je vais faire pour contacter son parapluie bleu à la con, là? Tu m'écoutes ou pas? Non. Je suis resté bloqué sur Kermit. Sans déconner, c'est votre prénom? Pour de vrai? L'un de mes prénoms. Explique-moi comment je contacte ce connard, le parapluie bleu de Debbie. Pour ça, pas besoin d'être un génie. Il suffit d'aller sur le site sous le parapluie bleu de Debbie. Ensuite, quand ça vous demande votre pseudo, vous mettez... Kermit Frog 19. Attendez, j'ai une question. Est-ce que il y a un lien entre cette histoire de grenouille verte irlandaise et le Kermit? Trop drôle. Je peux lire le reste de la lettre, Kermit? Non, tout ce que tu peux faire, c'est débarrasser le plancher. Voilà. Et je veux plus que tu viennes. Je veux plus que tu te pointes ici. Pardon? Il connaît mon adresse. C'est dangereux. Allez, va-t'en. Je plaisante pas. Très bien, si vous avez besoin de moi, vous savez quoi faire, vous m'appelez. Ouais, merci. Parce que du coup, pour reprendre dans l'ordre, Bill va décider de se connecter au site sous le parapluie bleu pour interagir avec Monsieur Mercedes. Oui, parce que Monsieur Mercedes indique dans une lettre qu'il a envoyée, enfin Brady du coup, indique dans une lettre qu'il a envoyée à Hodge, tiens, je t'ai créé un compte sur le parapluie bleu, si tu veux discuter avec moi, ramène-toi, quoi. Parce qu'au début, le contact ne se fait que par lettre. Oui. Mais il lui dit assez vite, hein, quand même, qu'il lui a créé un compte. Oui. Et en parallèle, Bill va prendre contact donc avec Jenny pour reprendre l'enquête petit à petit. Mm. Notamment autour de cette histoire de voiture où il se rend compte que c'est le point qu'ils ont pas mal négligé dans leur première enquête. Et comment est-ce qu'il va contacter Brady sur le site? Dès le départ, je crois, il lui dit « Non, je sais que t'es qu'un faux... » C'est directement la première chose qu'il lui dit. Oui, exactement. En fait, il prêche le faux pour obtenir le vrai, tout simplement. Il lui fait croire, en fait, que le vrai monsieur Mercedes s'est rendu, on sait que c'est pas toi, nanana. Et bah, du coup, l'autre, Brady, étant ce qu'il est, étant un bon psychopathe, fier de lui et fier de ce qu'il a fait, comme tout bon psychopathe, du coup, il sort du bois. Il dit, non, c'est moi. Et puis, il amène des preuves, en fait, lui-même. Et des preuves que seul lui et la police ne connaissent. Donc du coup, Hodge obtient la vérité de cette manière. Et donc il sait qu'il a affaire au vrai monsieur Mercedes. Ouais, pour avoir confirmation, il utilise cette technique. Le chien des Robinson va s'en sortir. Il me semble que Brady ne le drogue pas finalement. Attends, je sais plus comment ça se passe. Non, parce qu'il prévoyait de lui donner de la viande empoisonnée. Oui, mais du coup, c'est quelqu'un d'autre qui la mange. Oui, c'est ça. Parce que la mère de Brady, qui est très alcoolique, ils ont une relation incestueuse, les deux, clairement, comme on l'a dit, leur relation est assez cliché. Et la mère de Brady, donc très alcoolique, va décider de se faire un petit tanka, un petit hamburger nocturne. Il était un peu trop assaisonné, on va dire. Oui, vu qu'il était imprégné de Morora, effectivement. Ouais. Ça laisse des... disons que ça provoque des aigrants d'estomac fatales. Ouais, c'est ça. Même en étant très habitué à l'alcool, en ayant un estomac solide, ça pardonne pas. Hein. C'est ça. Donc malheureusement, Brady se retrouve tout seul. C'est l'événement qui le fait totalement flancher, parce que finalement, ce qui le raccrochait un minimum à la vie, c'était sa mère. C'était tout ce qui lui restait. Et cet événement, plus le fait... que vraiment Hodge lui fait comprendre que non, il en a pas fini lui-même avec lui et qu'il va réussir à le trouver, c'est les deux éléments qui font en sorte que ça y est, Brady vrille totalement, quoi. Disons que avant, on nous faisait bien comprendre qu'il avait envie de refranchir la ligne, de recommettre un meurtre, qu'il avait de nouveau l'envie du sang, mais là, c'est bon. Après, avec ces deux événements-là, il remonte en selle lui aussi et il est bien décidé à faire un ultime carnage. Disons qu'avant ces deux événements-là, on pouvait se dire qu'il en resterait à la version faire se suicider une personne de temps en temps. Voilà. Et ne pas retourner tout de suite au gros massacre de masse. C'est ça, là il jouait seulement, quoi. En parallèle, comme on dit, l'enquête de Hodge, c'est un grand mot, mais il se rapproche beaucoup de Jenny, ce qui va aussi lui permettre de retrouver goût à la vie. Il va entamer une liaison avec elle, donc avec la sœur d'Olivia. Mmh. Et... la mère de Jenny, qui était très vieille et qui était en maison de retraite, très affaiblie depuis le suicide de son autre fille. Après avoir révélé à Bill que justement elle était en lien avec Monsieur Mercedes, Olivia, c'est elle qui lui apprend ça. Elle va mourir de causes naturelles. Et lors de son enterrement, il va y avoir un nouveau gros événement, puisque Brady va décider d'essayer de tuer Bill en faisant exploser sa voiture. Bah, sauf que Bill... Ah, mais aussi, on ne l'a pas dit, c'est le moment aussi où Bill rencontre Holly, du coup, les funérailles. Oui, effectivement, on peut revenir là-dessus aussi. C'est le moment où il se rencontre. Des funérailles de la mère. C'est pendant les funérailles de la mère, donc, c'est-à-dire de la grande... Tante ? Attends, non, comment on dit ? De Holly ? Non, la tante de Holly, c'est Jenny. Alors, attends... Bah non, bah sa grand-mère, en fait, tout simplement. Non, la tante, parce non, que la tante, Holly oui, est la grande tante, en fait. Holly est la fille de la sœur. Sœur de la mère. Ah oui, donc sa grande tante, en fait. Je suis pas bon en... Voilà. En lien familiaux, non, moi non plus. C'est ça, du coup, c'est la cousine de Jenny et Olivia. Moi, au-delà de père, mère, frère, sœur, c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est un peu pareil dans mon cas. Au bout d'un moment, je suis totalement perdu. Mais donc oui, c'est pendant ces funérailles-là que Hodge et Holly se rencontrent. Le courant passe très vite, vraiment. Oui. Très vite, Hodge apprécie Holly, il la trouve... je crois qu'il le dit, hein, assez clairement, en fait, il la trouve naturelle et c'est ça qui lui plaît chez elle, tout simplement. Oui, c'est ça. Et Holly, bah, pour une fois, il y a quelqu'un qui l'écoute un peu parce que sa mère est très dominatrice, très couveuse, mais en même temps, toujours à la rabaisser, à lui dire qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit d'elle-même. À lui reprocher son état, hein, tout simplement. Limite. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement, hein, à toujours dire comme quoi elle veut tout ramener à elle, qu'elle pense qu'à elle. Bon, pas le genre de choses que tu dis à une personne... Ayant un Asperger développé, quoi. Ouais, pas le genre de choses que tu dis à quelqu'un en général, quand même. Bah si, enfin, c'est peut-être justifié, mais... Oui, voilà, si c'est justifié. Oui. Mais bon, les si personnes qui ont un handicap dans l'ensemble, c'est... Non, voilà, c'est pas c'est le ça. Genre de choses que tu dis, effectivement, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, Bill souhaite ramener Holly et Jenny chez elle, sauf que... Il décide de rester avec Holly un petit peu à l'extérieur. Et donc, c'est Jenny qui va chercher la voiture en portant le chapeau. En fait, c'est parce que, justement, la mère de Holly a fait une crise en disant à sa fille, tu m'abandonnes, tu pars avec un inconnu. Voilà. Et donc, le compromis qui a été tourné, qui a été trouvé, parce que Holly veut absolument que Bill soit avec elle, c'est que Bill et elle aillent dans la voiture de la mère. Voilà. Tandis que Jenny ramène la voiture de Bill. Voilà, c'est ça. Et donc, mais donc oui. La voiture a été piégée par Brady. Et donc, fatalement, bah, la voiture explose. Quand elle met le contact, je crois, je ne sais plus. Non, c'est un téléphone. Non, c'est aussi un téléphone ? Ouais, c'est aussi un téléphone dans la voiture. Sauf que, contrairement à la série, Brady pense que c'est Hodge. Oui, tandis que dans la série, effectivement, il sait qu'il tue Jenny à ce moment-là. Voilà. Mais il y a un parallèle en fait, intéressant à ce moment-là, et Brady le dit clairement. C'est que lui, à ce moment-là, a perdu sa mère et donc a perdu la seule source d'amour qu'il avait. Tandis que lui, Hodge, revit et se redécouvre une source d'amour. Il y a un parallèle, oui. Il y a vraiment un effet miroir qui se produit entre les deux personnages. C'est ça qui est intéressant à ce moment-là du roman. Et c'est pour ça que oui. Brady, du coup, craque totalement et veut mettre fin à la vie de Hodge. Et limite, du coup, il est encore plus réjoui quand il apprend que Hodge a survécu, mais qu'il a tué son nouvel amour. Bah, d'autant que Brady se rend compte que c'est de sa faute au final si Hodge a retrouvé goût à la vie. Oui. C'est en lui lançant un défi qui lui a donné toutes ces occasions-là. Il l'aurait laissé tout seul. Effectivement, on peut supposer que Bill aurait fini par boire beaucoup trop et probablement par se suicider un jour. C'est ça. Sans que l'autre n'a rien à faire finalement. Oui. Mais effectivement, là, Brady va décider de passer à son coup d'éclat, à quelque chose qui soit encore plus « glorieux » entre guillemets que l'attentat à la Mercedes. C'est de se faire sauter pendant un concert. Mmh. Pendant un concert de boys band, hein, typiquement. Oui, voilà, c'est... c'est ça. Donc avec plein d'enfants, parce qu'il y a toujours cette idée de s'attaquer aux faibles, en plus, chez oui. lui. Pendant ce temps, Bill et Jérôme vont aussi avoir l'aide de Holly, qui va se révéler très doué en informatique, pour remonter la piste de Brady. Et tout va converger assez rapidement après la mort de Jenny pour se diriger vers le final. Oui, et c'est vrai que ça va très très vite, hein. Ouais. Parce que ça va, mais en fait ça va très très vite parce qu'en parallèle on suit Brady qui lui commence à tout organiser. Parce que avant ça commence un peu à parler du grand concert et donc on se doute que bah, c'est vers là que Brady va. Alors que Bill, Holly et Jérôme, eux, sont encore dans l'hésitation. Parce qu'ils voient qu'il y a plusieurs événements qui vont arriver en ville. Ils savent, ils ont instinctivement. Leur instinct le pousse à leur faire comprendre que Brady prépare quelque chose, mais ils savent pas où. Et eux, du coup, ils sont un peu plus dans le questionnement. Ouais. D'ailleurs, ce que favorise Bill, c'est pas le concert, c'est un autre événement en fait un peu du même style que la foire à l'emploi qui a débuté le roman. Tout à fait, parce qu'ils pensent que Brady va juste reproduire, en fait. Ils pensent qu'il a un modus operandi, comme Ouais. la majorité des serial killers, alors que Brady, lui, ce qu'il veut, c'est faire le maximum de victimes. Oui, voilà. Il veut juste que son nom soit retenu dans l'histoire. Même s'il a pris la peine de prévenir quand même le surveillant du concert, enfin le responsable de la sécurité du concert, pour lui dire de tout de même faire attention le jour venu, mais il dit lui-même que c'est quelqu'un à qui il n'accorde pas une pleine confiance. Oui. Il le fait par mesure de sécurité. Ouais. Mais donc tout ça va poser les bases pour une partie finale qui est très efficace au niveau de la tension, parce que ça va vraiment être un passage d'un point de vue à un autre de manière alternée, Ouais, c'est où ça. ça devient une course contre la montre, où chacun va rencontrer des obstacles sur son parcours, et dans le cas de Brady, on se dit, ah, peut-être que ça va l'arrêter, et au final, il arrive toujours à continuer. Et dans le cas de Bill et Jérôme, on a toujours peur que ça mette fin pareil à leur avancée ou qu'ils arrivent trop tard. C'est ça, ou qui se plante tout simplement d'endroit. Parce que Ouais. Brady commence déjà à arriver sur les lieux du concert, que eux sont toujours sur une autre piste, quoi. C'est quand il commence à entrer dans la maison de la mère, je crois, qu'il arrive sur les lieux. Donc ils se rendent quand même assez vite compte de la bonne chose dès qu'ils peuvent étudier les Dès ordinateurs. qu'ils peuvent oui, étudier les ordinateurs. Puisque c'est là qu'ils trouvent le mail de remerciement pour l'achat du ticket de concert. Ouais. Et en parallèle, dans ces chapitres-là, on suit aussi la mère et la sœur de Jérôme, parce que bah, justement, c'est un boys band, donc la sœur de Jérôme, c'est son premier gros concert avec ses copines, Et et voilà. évidemment, elle est dans la salle. Voilà. C'est un peu surprenant parce que la sœur, on l'avait à ce moment-là du roman vraiment plus revue depuis un petit moment. Donc tu te dis, bah, Oui, elle était mentionnée quelques fois, mais. il la ressort vraiment pour le ressort dramatique familial, quoi, Oui. pour booster Jérôme à, ah, il faut y aller, quoi. Et ça donne lieu à une course-poursuite, enfin pas une course-poursuite parce que personne ne les poursuit, mais une grosse scène d'action en bagnole vraiment super efficace, quoi. Ouais. Et qui en plus a un peu d'humour dedans, parce que un des gros contretemps, c'est que Bill essaie de prévenir la sécurité et qu'il tombe toujours sur des messageries automatiques. Ah oui. C'est un peu drôle ça quand Oui, même. effectivement. Et donc, bah, une fois dans la salle de concert, tu peux dire ce qui se passe, je te laisse dire. Bah Brady s'installe confortablement. Lui, il attend En fait, il attend le clou du spectacle pour se faire péter. Ouais. Vraiment, le mec, il est romantique jusqu'au moment où il veut se faire péter, quoi. Il pense à tout, hein. Pour réussir à entrer discrètement, il s'est rasé et il est en fauteuil Oui, roulant. c'est vrai qu'on l'a pas, Et on l'a pas il a dit mis des ça. explosifs, il a mis les explosifs dans son fauteuil, justement. C'est ça, il se fait passer pour un paraplégique qui en fait se rend au concert parce que son fils, ça, je crois que c'est ça, c'est son fils. Enfin, il fait passer ça pour le fait que son fils était fan du concert et donc il y va avec une photo souvenir de son fils en hommage à Ouais. lui-même. Il me semble que c'est ça, hein, Oui, c'est ça qui est en réalité une photo de son de son frère, du frère, coup. hein, c'est ça. Mais oui, en disant que son fils est mort dans l'accident qui lui l'a rendu paraplégique. Et du coup, Mais bah du coup, oui, c'est le moment où il respecte même plus ce pourquoi il avait l'air d'avoir un peu de respect avant, à savoir le souvenir de son frère. Oui, clairement. Et bah du coup, la dame de la sécurité bah, le laisse passer, tout simplement. Mais donc oui, ça va permettre de tenir l'attention jusqu'au bout. D'autant que Bill a des ennuis, commence à sentir une crise cardiaque qui vient, donc C'est sur les deux autres que va reposer vraiment d'arrêter Brady. Oui. Déjà, même quand eux arrivent au niveau de la salle de concert, les gars de la sécurité, tu vois qu'ils sont pas bons quand même, quoi. Mais vous êtes vraiment flic, mais vous êtes vraiment en train de faire une crise cardiaque, vous serez pas en train de me dire de la merde. Mais comment ça? Circuler, monsieur. Circuler, y a rien à voir. Enfin, après, toi, en tant que lecteur, tu sais ce qui se passe, mais c'est vrai que, bon, t'as un vieux mec un peu fort qui arrive accompagné d'un petit jeune et d'une nana quarantenaire qui bizarre, te semble pas nette, parce que vu de l'extérieur, ça te semblerait pas net. Effectivement, je pense que toi-même, t'hésiterais à les laisser passer quand même. Oui, certes, c'est compréhensible. Mais ils y vont quand même, et Brady se fait bien fracasser la gueule par Wally. Ouais. C'est le moment de satisfaction en tant que lecteur. Ah oui, c'est ça. Bah, même pour Wally, hein, c'est décrit complètement comme ça, comme elle qui se venge de tout ce qu'elle a enduré. De tout le monde qui se fout de sa gueule. Ouais. Mais du coup, ça, je trouve qu'on sent un peu que c'est un personnage auquel King s'est attaché en cours d'écriture du roman au point de lui donner le final, alors que ça devait pas être prévu dans son esprit au départ, ça, ouais, je pense. C'était peut-être plus pour Jérôme, ce moment-là. Oui, peut-être, voilà. Mais donc oui, elle met, je sais plus ce qu'elle met dans son sac, mais un truc bien lourd, quoi. Elle n'utilise pas la chaussette lestée de Hodge ? Ah, si, c'est ça, la chaussette lestée, ouais. Et donc elle explose la tronche de Brady qui termine par terre en convulsion, quoi. Parce que forcément, quand tu te prends un énorme coup au niveau de la boîte crânienne, tu te relèves pas tout de suite, quoi. Ouais, et qui sombre dans le coma. C'est ça, oui, et oui, il termine dans le coma. Il ne passe pas l'arme à gauche, le roman se termine, il est dans le coma. Bah, le roman se termine, il se réveille même. La toute conclusion du roman, c'est réveil. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Pour le coup, le roman annonce très clairement qu'il y aura une suite et que dans la suite, à un moment ou à un autre, Brady jouera un rôle. Mm. Enfin, c'est pas dit explicitement, mais oui. On peut s'en douter avec ce type de conclusion. Voilà, mais la conclusion plutôt réjouissante, finalement. Oui. Parce que même si Hodge... a quand même perdu Gianni, il a quand même regagné cette fougue qu'il avait perdue. Oui, c'est ça. Et puis, il a vraiment trouvé deux amis dont on devine qu'ils vont devenir assez proches. Mmh, tout à fait. Et l'envie de faire des choses derrière. Et puis, les deux... Alors, Jérôme, c'était peut-être celui qui était le plus installé socialement de base. Il était brillant dans ses études, donc... Lui, on s'inquiétait moins pour lui, mais Oli réussit aussi à s'installer dans un logement indépendant, à prendre son indépendance par rapport à sa mère. Oui, tout à fait. Mais du coup, oui, c'est un roman réussi. Encore une fois, voilà, il révolutionne pas le polar, il révolutionne pas du tout le genre, mais c'est tout le talent d'écriture de King qui est dedans, donc c'est un très bon roman. C'est ça, avec des personnages très touchants, des moments de tension qui fonctionnent vraiment très très bien. Et puis voilà, finalement le carnage qui inaugure le roman, on ne l'a pas abordé. On ne l'a pas abordé plus que ça. C'est une très bonne scène. Alors que c'est une scène pleine de tension et qui, elle aussi, façon King en fait, te présente des personnages attachants, qui ont un passé, un présent, qui malheureusement n'auront pas de futur au bout de quelques pages. Mais l'introduction, quoi. L'introduction, elle te prend à la gorge. Oui, elle est vraiment très réussie, cette introduction-là. Parce que c'est vraiment le massacre des plus faibles, comme Brady le dit lui-même. Mais c'est des gens tellement innocents, en plus, tu dis putain, merde, quoi. Et c'est ça, en fait, l'une des forces de King. Et c'est l'une des choses pour lesquelles il est très souvent moqué sur Twitter et tout. C'est cette facilité qu'il a à te dépeindre un personnage ultra attachant, ultra gentil, ultra mignon, pour le tuer dans ta souffrance tout de suite après. Oui. Il y a pas mal de mèmes qui passent comme ça sur lui, sur King avec ça. En fait, vu qu'il est très très fort pour dessiner des personnages très rapidement... Oui. C'est dès qu'il va les tuer, même si on les a vus que quelques pages, ça a tendance à pas mal nous marquer. C'est ça. Parce que oui, on l'a évoqué un petit peu avant, dans la liste, il y a une jeune mère et son enfant. C'est poignant, quoi. Oui. ce qui leur arrive et comment c'est dépeint, c'est... Oh. Bon, bah moi je pense que pour le roman, c'est tout. Oui, je pense qu'on a fait le tour, c'est un très très bon roman. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un chouette polar. Puis il est pas interminable, donc ça vaut... ça se lit assez vite en plus. Oh, c'est quand même un beau petit pavé de pas loin de 700 pages, quand même. Ah oui, tant que ça. Oh, ah, c'est peut-être que j'ai l'habitude des King beaucoup plus longs. En VF, je l'ai devant moi, il fait très exactement 661 pages. D'accord, ah oui, tout de même. C'est quand même pas mal. Mais effectivement, par contre, ça se lit très très bien. Bon, bah, on passe à l'adaptation. Eh bah, ben, allons-y. Puisqu'il faut y aller, il faut y aller. Hein. Le truc à peine énonciateur, quoi. C'est parti. Got 16 dead, triple that in injuries. Somebody lost control. He didn't lose control. Bill Hodges, detective first class. I'm now retired. How much have you been drinking lately? Not enough. Bill, retirement messes with people. Life is supposed to be messy. I read it somewhere. You need to find some sort of purpose. Greetings, detective. Did you catch our bad guys? I believe I've been contacted by the Mercedes killer. Why is he just waiting there? Of all the cases for you to obsess over... 16 people died! We're meant to just forget it! I'm still on the case. You're meant to forget it. You're retired. Brady, frankly, you come across as just plain weird. Chaos. I never know whether to be excited about what's going on in that basement. Or worried. You don't need to worry, Ma. I'm taking care of us in that basement. Got a letter from my new pen pal. What kinds of things is he saying? You fail! This guy's really trying to get into your head, isn't he? Having bad thoughts, detective. Wait! I'm always awake. L'option sur les droits du roman est posée peut-être un tout petit peu plus tard que pour d'autres King de cette époque qui étaient achetés avant même la publication, puisqu'elle est posée en 2015 par Sonar Entertainment, qui, à côté de ça, produit surtout des séries et des téléfilms et des téléfilms de Noël. Waouh! Voilà. Et Allez. Ce sera coproduit par une plus grosse boîte de prod qui est Temple Hill Production, qui sera aussi sur The Outsider d'ailleurs. Et au cinéma, c'est une boîte qui est derrière des films comme Les Twilight, Nos Étoiles Contraires, First Man ou Smile, assez récemment. D'accord. Donc bon, ça, j'ai pas cité que de la qualité à mes yeux, mais c'est des plutôt grosses prods quand même. Oui, oui, oui, par contre, oui. La première personne choisie, a priori, c'est le réalisateur Jack Bender, qui a fait la majorité des épisodes de la saison. Il en a fait 7 sur 10 dans la saison et qui en fait fera la majorité de la série à la réalisation. Donc, qui est un réalisateur de télévision très actif sur pas mal de séries un peu majeures. Alors, des séries où il a fait que quelques épisodes, il y a Les Sopranos, Alias, Ally McBeal, Le Trône de Fer, mais il a réalisé énormément d'épisodes de Lost. Il a fait 43 épisodes sur Lost. Ah oui, quand même. Donc, c'est peut-être le réalisateur le plus actif sur cette série-là. Mmh. Et c'est le réalisateur au cinéma, il a fait très peu de films, mais il a fait Chucky 3. Ah d'accord. Il y a un Chucky qui n'est pas le meilleur de la série, mais que j'aime bien, perso. Je sais que c'est... Ouais, moi, c'est celui que j'aime le moins, mais... C'est le plus décrié, en tout cas. Oui. Et en fait, il avait déjà fait pas mal d'épisodes aussi dans les deux premières saisons de Under the Dome. Mm-hmm. Et justement, arrivé au terme des deux premières saisons, il était déçu de la qualité des scénarios, c'est pour ça qu'il ne revient pas sur la suite... Et là-dessus, il était d'accord avec King, c'est pour ça qu'ils en avaient parlé et qu'ils étaient devenus un peu potes à cette occasion-là. Et donc King lui envoie les épreuves de Monsieur Mercedes en lui proposant de travailler sur l'adaptation. Ils vont vite se mettre d'accord sur le format série et c'est donc de Jack Bender que part le reste. C'est lui, par exemple, qui va contacter le showrunner David Edward Kelly, qui est un créateur et scénariste extrêmement actif dans le milieu de la série télévision, dans le milieu de la série télévisée. Alors évidemment, c'est des séries, pour le coup, dont je connais le nom, hein, c'est dire si elles sont connues, mais que j'ai pas vues, donc La Loi de Los Angeles, Ally McBeal, Big Little Lies ou Nine Perfect Strangers et plein d'autres. J'ai pris vraiment que celles qui m'avaient l'air d'être les plus connues. Oui, mais j'en ai vu aucune non plus. Ah ouais ? Ah ouais, non, j'en ai vu aucune de tout ça. D'accord, je connais le nom, mais... Il va scénariser les deux premiers épisodes de la série. Le reste est écrit par d'autres scénaristes qu'on va lister. Il y a A.M. Holmes, qui a fait un épisode et qui, en dehors de ça, est surtout, romancière, même si elle avait déjà travaillé sur The L-Word comme série. D'accord. Il y a aussi Dennis Lehane, qui est scénariste de 4 épisodes. Lui, pareil, on le connaît surtout comme romancier. Moi, les titres que je connais le mieux, ça va être Mystic River et Shutter Island. Mais il est aussi régulièrement scénariste à la télévision. Il a travaillé sur The Wire, Blackbird et The Outsider. On le reverra donc. D'accord. Et le dernier scénariste qui a fait 3 épisodes, c'est Brian Golubov. Et lui, c'est un scénariste sur plusieurs séries, mais sans rien d'autre que je connaissais. Et il y a la fille de Jack Bender qui est script doctor et story editor sur l'ensemble de la série. D'accord. Les 3 autres réalisateurs qui font un épisode chacun sont John Coles, Laura Ince et Kevin Hooks. La ligne globale du roman va être respectée, mais comme il s'agit de faire 10 épisodes de 50 minutes chacun, forcément il va falloir rajouter des éléments pour permettre à la série de tenir aussi longtemps. Un des gros ajouts pour les lister, c'est le personnage d'Ida, Ida, la voisine de Bill. Selon David Kelly, elle a été rajoutée afin que Bill ait quelqu'un avec qui interagir pour retranscrire ce qui, dans le roman, est dit par son dialogue intérieur. Et le but, c'était aussi, d'après lui, d'ajouter un personnage plus léger pour que l'ambiance ne soit pas démesurément sombre. Et dans les gros ajouts, la fille de Bill, Ali, qui est seulement mentionnée dans le roman... Ici, elle est un peu plus présente. On apprend qu'elle est en cure de désintox parce qu'elle est alcoolique. Enfin, parce qu'elle est droguée aussi, voilà. Et il y a toute une sous-intrigue sur la boutique où travaille Brady et sur des remaniements qui se font dans cette boutique. Ce qui permet notamment de développer le personnage de Lou, la collègue de Brady, qui est la seule personne déjà dans le roman qui semble un minimum avoir de la sympathie pour lui, en dehors de sa mère. Et c'est encore plus marqué dans la série, pour le coup. Qui disparaît très vite du roman, par contre. Oui, alors tandis qu'elle est très présente tout le long de cette saison 1, et spoiler, je sais que c'est un personnage qui revient dans les 2 prochaines saisons. Oui, oui, de toute façon, son traitement à la fin de la première saison ne peut que faire en sorte qu'elle revienne. Voilà, donc c'est un personnage qui finalement est presque un personnage inédit parce qu'elle est vraiment très secondaire dans le roman. Assez rapidement, il y a les noms des acteurs dans les 2 rôles principaux qui sont mentionnés. Les noms qui sont donnés, c'est Brendan Gleeson et Anton Yelchin. Bon, le souci, c'est qu'Anton Yelchin, qu'on a déjà vu parce que c'était lui, en tout début de carrière, le rôle principal dans Cœur perdu en Atlantide, mais il meurt... un mois à peu près après l'annonce du casting, très tôt, donc le 16 juin 2016, il avait 27 ans. Aïe, c'est ballot. C'était Chekhov dans les Star Trek de J.J. Abrams. D'accord, oui. Il a une carrière plutôt chargée. Bah, en même temps, il a commencé très jeune, mais il a une carrière plutôt chargée pour quelqu'un de mort aussi jeune. Et donc, le rôle va être réattribué à Harry Tridaway. Brendan Gleeson, donc c'est un acteur irlandais qui commence au théâtre dans la Royal Shakespeare Company. Et après, il a une sacrée carrière au cinéma. On l'a vu dans 28 jours plus tard. Dans Kingdom of Heaven, il joue un personnage appelé Renaud. Il faudrait que je le voie. Ta-ta-ta ! Les chevaliers ! Non, non. Il joue dans Le Village. C'est lui qui joue Maugrey Folloy dans la saga Harry Potter. Ouais. Gangs of New York, Edge of Tomorrow, donc des films plutôt importants. Dernièrement, dans un film que tu as beaucoup aimé, Les Banshees oui. d'Inisherin. Sherin. Oui, un film effectivement que j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi. Non, toujours pas. Mais oui, il est très très bon. Je le rattraperai peut-être si je le trouve à pas cher dans une boutique. Il est aussi dans un film que je sais que toi, tu apprécies et que j'aime beaucoup aussi, aux côtés de Colin Farrell, Bon baiser de Bruges. Ah, je l'ai pas vu, moi, Bon baiser de Bruges. Ah, mais je crois que tu l'avais vu, non, mais... Tu dois confondre, hein. Ah, putain, mais excellent, Bon baiser de Bruges. Mais oui, effectivement, il est dedans. Et il est aussi dans le Macbeth de Joel Cohen. Oui, que je n'ai pas vu, par contre. Qui est intéressant, un peu lent, mais intéressant. Et il fait des voix dans le très bon film d'animation Brendan et le secret de Kells. Et dans Le Chant de la mer, du même réalisateur, mais je l'ai pas vu, celui-là. Mais tout ça pour dire que c'est un énorme acteur, quoi, pour le coup. Oui, voilà. Bon, là, j'ai vu des interviews de lui, il est très rigolo en interview, mais du coup, je me demande s'il savait qu'il était filmé ou si naturellement, c'est un papy irlandais râleur et alcoolique. Et l'autre question, je me demande s'ils ont de proposer le rôle à Kenneth Branagh, parce que c'est l'autre acteur irlandais à peu près de cette génération-là, mais qu'ils ont dû le recaster parce qu'ils voulaient absolument jouer Bill avec l'accent français tout pété de poireau. Seriously, but je suis irlandais. Oh là là, Brady Hartsfield, The Marchand de Glace. Harry Treadaway, donc, qui joue Brady, il a joué dans plusieurs séries, donc Penny Dreadful, il joue Victor Frankenstein. C'est ça, dedans. C'est ça. Il était très bon dedans. Moi, c'est dans Penny Dreadful que je l'ai découvert. Moi, je le connais pas, j'ai pas regardé Penny Dreadful, alors que pour le coup, c'est une série qui pourrait m'intéresser, je pense. Ah oui, mais c'est vraiment très très bien, oui, Penny Dreadful. Je conseille à Donf. Il a aussi joué dans The Crown et dans Star Trek Surgelé Picard. Mm-hmm. Et le cast est complété par la suite petit à petit. Dans le rôle de la voisine Ida, il y a donc Holland Taylor, qui avait déjà joué dans la série The Practice de David Kelly, qui avait lancé sa carrière solo, selon elle. À la base, ça devait être l'actrice Anne Margaret, mais qui se désiste du projet. Au cinéma, je l'ai vu dans plusieurs films, dans des rôles secondaires, mais j'aurais vraiment pas reconnu son visage. C'est elle qui joue, par exemple, l'éditrice et meilleure amie de l'héroïne dans À la poursuite du diamant vert. Ah oui, d'accord. La mère de Truman dans le Truman Show. Ouais. Elle est dans les Spy Kids 2 et 3, apparemment. Super. Voilà. C'est super. Mais la plupart de ses rôles, c'est à la télévision. Elle joue la mère des héros dans Mon oncle Charlie. Et elle est aussi dans The L World. D'accord. Dont on a déjà parlé tout à l'heure. Holly Gibney est jouée par Justin Loop. Le personnage est rajeuni par rapport au roman. Elle a plus la trentaine là, oui, dans la série, alors qu'elle a une quarantaine d'années, un peu plus, milieu de quarantaine dans le roman. Elle avait déjà eu un rôle important dans la série Christella, mais qui n'est pas arrivée dans les pays francophones. Et sinon, depuis, elle a joué dans La merveilleuse Madame Maisel et un rôle important dans Succession. Jérôme Robinson, il est joué par Jarrell Jérôme, qui commence sa carrière peu de temps avant avec un des rôles importants dans Moonlight, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui a plutôt marqué, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Je ne l'ai pas vu non plus. Et depuis, il a eu des rôles importants dans I Am a Weirgo, une série que je ne connais pas, et dans la série Full Circle de Soderbergh, qui est sortie l'année dernière. Et bon, vu que c'est Soderbergh, que c'est une mini-série en 6 épisodes, là, je pourrais peut-être me laisser tenter. Et c'est lui le doubleur du Miles Morales de la Terre 42 dans Spider-Man Across the Spider-Verse, donc qui est très secondaire dans Across the Spider-Verse, il apparaît qu'à la fin, mais a priori, ça risque d'être un personnage plus important dans le troisième. Oui, voilà. Peter Dixon, l'inspecteur et ancien collaborateur, ancien collègue de Bill, est joué par Scott Lawrence, qui a un rôle important dans certaines saisons de JAG que je ne connais pas, et c'est... un doubleur très régulier de Dark Vador dans les jeux Star Wars. Mais c'est pour ça que sa voix me causait. Je me disais, si t'as joué aux jeux Star Wars en VO, oui, tu l'as forcément croisé parce qu'il en a fait plein. Je me disais, mais ça, ce timbre de voix me cause. Bah voilà. Ok. Lou Linklater, donc la collègue de Brady, est jouée par Brida Wool, qui est aussi dans Les Trésors Perdus, le secret de Moctezuma, la série Disney+, dans l'univers de Benjamin Gates, mais sans Benjamin Gates. D'accord, c'est super. Voilà. Ça sonne mon cœur, comment je le dis, mais bon. disons que Benjamin Gates, le principal intérêt pour moi, c'est Nicolas Cage. Sans lui, ça me rend pas tellement curieux. Non. Bah voilà, c'est comme si tu regardais un film Gremlins sans les Gremlins, quoi. C'est bizarre. Il y a un peu de ça, ouais. Et au cinéma, elle a été dans un film appelé A Wall, qui est apparemment pas mal. D'accord. Deborah Hartsfield, la mère de Brady, est jouée par Kelly Lynch, elle aussi dans The L Word, décidément. C'est un rôle important, pas mal d'années plus tôt, c'était son début de carrière, dans Cocktail avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise. Et dans Roadhouse avec Patrick Swayze, le film qui vient d'avoir son remake, là, avec Jake Gyllenhaal dans le remake. Et elle a un rôle important aussi dans Programmé pour tuer de Brett Leonard, voilà. Robbie, le patron de Brady et Lou, est joué par Robert Stanton, qui a joué, ça m'a un peu fait rire parce que j'ai totalement oublié que ce personnage existe, dans un Woody Allen, Nuit de Chine, et son personnage s'appelle Monsieur Burns. Rigolo. Voilà. Ouais. Excellent. Il joue le père d'Arthur dans les films. j'ai presque envie de revoir le film juste pour ça. Il joue le père d'Arthur dans les films Arthur et les Minimoys. Et j'ai l'impression qu'il a joué dans à peu près tous les procéduraux. New York, c'est police judiciaire, unité spéciale, section criminelle, 911. Il joue des rôles différents à chaque fois, mais il apparaît dans plein d'épisodes par-ci par-là. D'accord. Et Jenny, enfin, est jouée par Mary-Louise Parker, qui a un rôle important aux côtés de Kathy Bates dans Beignet de tomate verte. Oui. Elle est dans Portrait de femme de Jane Campion. Elle joue la petite amie de Bruce Willis dans les films Red. Oui, exact. Elle est dans les chroniques de Spiderwick. Et à la télé, elle a été dans À la Maison Blanche et Weeds. Oui. Elle a le rôle principal, pour le coup, dans Weeds. Oui, c'est vrai qu'il l'a surtout vraiment fait connaître du plus grand public, Weeds. C'est très bien, oui, Weeds, d'ailleurs. J'ai l'impression. Oui, une mère pas vu, mais ça a l'air rigolo, ouais. Une mère de famille qui, pour sortir un peu de la merde, se met à vendre de la marijuana. C'est vraiment très drôle, ouais. Et elle a pas mal de crédits au théâtre dernièrement, ce qui explique peut-être qu'elle a un peu ralenti son activité à l'écran. D'accord. Très bien. Le tournage de la première saison se fait de février à mai 2017 avec en production designer Marek Dobrowolski qui était aussi sur Dome, c'est peut-être là qu'il avait rencontré le réalisateur. La photo est principalement d'Armando Salas. La série ne contient pas de musique originale sur la saison 1, apparemment il y en a sur les deux suivantes, mais elle va réutiliser beaucoup de chansons qui existaient déjà. Pour le coup, dans un mécanisme un peu intéressant, parce que ça oppose régulièrement les choix musicaux de Bill et de Brady. Avec Bill qui est plutôt sur des vieux vinyles des années 60, 70, si ce n'est plus vieux. Et Brady qui est plus sur du hard rock, du métal, du punk aussi un peu, je crois. Ouais. Qui écoute d'ailleurs la chanson des Ramones pour Cimetière, lors de sa première apparition. Ah oui, exact. Mais voilà, il est plus sur de la musique plus récente et un peu plus agitée, on va dire. La musique dark, parce qu'on est dark. Pardon. Ah bah, tous les gens que je connais qui écoutent du métal sont dark. Hein. Oui, et commettent des crimes. Non, parce que tous ceux que je connais qui écoutent du métal n'ont pas le permis. Donc, ça va. Enfin, après, il y a d'autres manières de commettre des crimes. Oui, pareil. La série est diffusée sur Audience Network, qui depuis a fermé, mais après avoir diffusé les trois saisons, à partir du 9 août 2017. Les droits ont été récupérés par Peacock depuis. En France, ça va être un peu compliqué, parce que dans un premier temps, elle va être sur l'Apple TV, et personne n'avait l'Apple TV à cette époque, donc personne n'a regardé la série. Elle arrivera sur Amazon Prime Video, et maintenant elle est sur Disney+. Voilà. Les séries télé, c'est toujours le bordel chez nous. Ouais. Elle a actuellement... Alors, je peux parler pour la saison 1 parce que les sites de notation séparent saison par saison. Ah. La saison 1 a 3,8 étoiles sur Allociné. Alors, il faudra m'expliquer quand même parce qu'à côté de ça, la note globale de la série, c'est 4,1 alors qu'il n'y a aucune saison qui a plus de 3,8. Donc, comment tu obtiens une moyenne de 4,1 à partir de ça? Oui, c'est pas mal. Mais pourquoi pas? Mais du coup, 3,8 dans le classement de ce qu'on a vu pour le moment, ça le placerait 6e entre Misery et Carrie aux Belles du Diable. Est-ce que c'est pas parce que les épisodes en eux-mêmes ont des notes aussi? Peut-être, ou alors qu'il y a moyen de noter toute la série d'un coup, ouais, ou peut-être. De noter les saisons individuellement, je sais pas. Mmh. Et c'est pas les mêmes personnes qui font les deux. Et sur IMDb, cette saison a 83% de fraîcheur, ce qui la placerait 9e à égalité avec 22-11-63, la série, et Shining, le film de Kubrick. Ah oui, quand même. Ah oui, on va vraiment on va encore une fois pas être d'accord. Bah, déjà, 22-11-63 et Shining côte à côte, bon, ça pique un peu, je trouve. Oui. Mais du coup, on va pouvoir en passer à nos avis. King aime beaucoup la série, hein, globalement. Il a notamment beaucoup aimé le développement du personnage de Lou. Apparemment, il a contacté l'actrice pour la féliciter. Mais c'est tout ce que j'ai à en dire. Et on va pouvoir passer à nos avis. Un truc sur lequel on va être d'accord avec King, alors. Je peux vous faire une remarque. C'est un peu déplacé sans doute, Si, non, je vous en prie, allez-y, on est dans un pays libre. Enfin, plus ou moins, faut le dire vite, quoi. J'ai des enfants en bas âge, et il m'arrive de les emmener avec moi. Ça me pose pas de problème, les styles de vie alternatifs. Mais quand on l'étale, on risque de faire croire aux gamins que c'est pas marginal, que c'est normal. C'est un message que je veux éviter de faire passer. Je vois, oui. Cela dit, ça risque de... d'exacerber vos inquiétudes. Mais... il y a une étude récente qui est sortie en Allemagne et ses auteurs affirment que d'ici 2026, les homosexuels régneront sans partage sur le monde entier. Non, rectification, seulement les Gwyn. Les PD, ben, ce sera toujours des petits PD. On n'a rien à craindre, pas vrai, hein? Espèce de tendu! C'était quoi encore ce bordel, tu m'expliques? T'as entendu ce qui m'a sorti? Je m'en tape, c'est un client. Ça lui donne le droit d'être homophobe, donc? Oui, c'est lui le client, il faut te le dire combien de fois, putain, Lou. Tu réagis comme si les gens avaient besoin de nous, comme s'ils étaient obligés de venir ici. On n'a qu'à mettre une pancarte, on vend des conneries, mais on supportera pas les vôtres. On gagnerait du temps, au moins. Et toi, Brady, t'es vraiment à côté de la plaque si tu la trouves marrante. C'est pas drôle. Parce que notre gagne-pain, tout ce qui nous maintient la tête hors de l'eau, c'est le service clientèle. C'est notre seul et unique espoir de survie. Est-ce que c'est clair? Notre putain de service clientèle! Je rêve ou t'as souri encore? Monsieur Mercedes, la série télé. On va se répéter, mais c'était long. C'était long. C'était beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Il faut arrêter de faire des séries de 10 épisodes avec entre 50 minutes et 1 heure par épisode si c'est pour raconter des banalités qui ne servent à rien. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut que ça cesse, messieurs, dames. S'il vous plaît. Il faut que ça cesse. Recentrons les débats, s'il vous plaît. Il y a plein de moments où vraiment t'es devant ton écran et tu dis mais on s'en fout, arrêtez, passez à autre chose s'il vous plaît, voilà. C'était mon avis rapide, je te laisse prendre le tien. Bah je suis assez d'accord, après je l'avais senti un peu venir, tu vois, à partir du moment où ça avait été annoncé que c'était 10 épisodes de 50 minutes pour un roman qui, moi dans ma version anglaise, fait 450 pages en grand format. Ouais. Bon, c'était un peu prévisible. Oui. Mais effectivement, ça traîne, il y a des sous-intrigues qui sont inintéressantes et haute tendance très récurrente des séries qui, comme ça, n'ont pas assez à raconter, outre que toutes les scènes ont l'air de durer deux fois trop longtemps. Il y a une tendance à tout surexpliquer. Tous les personnages vont verbaliser chacun leur tour qu'ils s'inquiètent pour Bill, que Bill devrait prendre soin de lui. Il n'y a rien qui est laissé... même pas à l'imagination du spectateur, parce que c'est des choses qu'on pourrait voir, mais à l'interprétation, à la déduction, pourrait-on dire, du public, tout nous est vraiment répété, souligné encore. Prémâché. Ouais. Ah oui, c'est... Et en fait... C'est incroyable. Moi, ça me gonfle, parce que ça me donne l'impression d'être un peu pris pour un imbécile au bout d'un moment. Ah oui. Après, ne pas oublier que le format série, c'est du coup un épisode par semaine. Que bah, malheureusement, effectivement, pour certains spectateurs, il faut rabâcher le truc pour que tout le monde puisse comprendre facilement. Oui, après ça, c'est un truc qui est encore présent dans les séries qui se font actuellement, où tous les épisodes sont livrés d'un coup. Oui, c'est vrai. Donc non, je pense que ça relève aussi du défaut d'écriture pour tenter de gagner du temps. Après, c'est aussi, je pense, que ça part du principe que beaucoup de gens regarde les séries sans être pleinement concentré. Et effectivement, oui. Il y a beaucoup de gens dont je sais qui font ça, qui mettent une série en fond en faisant un peu autre chose. Donc ça répète tout pour être sûr de ne pas louper d'infos. Mais du coup, quand tu regardes une série en te concentrant dessus parce que tu cherches à en faire, à notre échelle, le terme est un peu ambitieux peut-être, mais à en faire la critique, bah c'est chiant, quoi. Ah oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais donc, pour les bons côtés... Globalement, le casting est pas mauvais, je trouve. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnages où les pauvres acteurs, on leur fait jouer pas grand-chose. C'est surtout ça le problème, parce que sinon, en eux-mêmes, ils sont pas mauvais. L'acteur qui joue Jérôme, je trouve bon. Le problème, c'est l'écriture de Jérôme dans la série, quoi, qui est très plan-plan, par exemple. Oui. Ouais, il est un peu rigolo des fois dans son côté se moquer du vieux boomer, mais oui, ça s'arrête là. Voilà, c'est ça. Les seuls personnages vraiment réussis, je trouve, ça va être Lou, effectivement, on en a parlé vite fait, Oli. Bill, il y a plein de moments où t'as envie de lui mettre des claques, mais sinon il est pas trop mal réussi, et Jenny, mais pareil, dans une moindre mesure, parce que finalement elle ne sert pas à grand chose, quoi. Oui. Bah, Bill, le souci, c'est qu'il y a plein de trucs intéressants, mais qui vont être étirés jusqu'à la corde, encore une fois, pour que ça tienne suffisamment longtemps. Bah, c'est la sous-intrigue avec sa fille, quoi. Oui. Au secours. Bah, et puis même, j'ai l'impression qu'il fait 10 fois dans la série le coup de vouloir éloigner les gens de lui pour pas les mettre en danger. Oui. C'est bon, Oudan, on a compris, passez à autre chose. C'est ça. Vraiment, en fait, la majorité des ajouts ne servent à rien. C'est quand même incroyable. Ida, sa voisine, et pourtant, l'actrice est vraiment pas mauvaise, hein, mais ça n'apporte rien, vraiment. Mis à part du temps d'antenne, ça n'apporte rien. Ah oui, c'est, je l'ai trouvé particulièrement insupportable, moi, la sous-intrigue autour d'Ida. Et oui, c'est pas de la faute de l'actrice, pour le coup. C'est que... C'est pénible, le personnage est assez antipathique, je trouve, oui. En plus. Enfin, je me suis vraiment interrogé sur ses réactions. Genre, il y a un épisode, je sais plus lequel, où elle entre chez Bill, mais vraiment, elle entre dans son salon pour voir s'il va bien. Ah oui. Bah, évidemment qu'il surréagit. Enfin, moi, il y a quelqu'un qui entre dans mon salon comme ça sans toquer à l'avance. Peu importe l'état dans lequel je suis de base, je l'envoie chier, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu viens foutre là, quoi? Voilà. C'est juste après la mort de Jenny. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est après la mort de Jenny. Donc bon, on sait que la bagnole a explosé, que le mec est potentiellement en danger. Bon, bah tu rentres pas chez lui comme ça, effectivement, c'est bizarre. Bah voilà. Le rôle plus important donné à Pete et aux policiers en général, pareil, je trouve que ça alourdit plus la série qu'autre chose. Oui, déjà que dans le roman... Déjà que dans le roman, t'as vraiment cette impression constante que les flics ne servent à rien, mais la limite, c'est encore pire du coup. Bah oui, vu qu'ils sont beaucoup plus présents et que Bill les tient au courant au fur et à mesure de toutes les étapes, donc ils ont les informations, tandis que dans le roman, à la limite, Bill leur cache quasiment tout. Et oui, il leur cache tout parce qu'ils se rendent vite compte au final que bah, ils sont sur d'autres trucs, ils sont passés à autre chose, je vais me démerder. Oui, et puis qu'il en fait un peu une affaire personnelle, hein. C'est aussi un peu de l'ego de sa part dans le roman. Oui, aussi. Mais là, notamment, vers la fin, il y a toute une étape où Bill va plutôt collaborer avec Pete et l'autre flic qu'avec Jérôme et Holly. Et du coup, ça forme un nouveau trio de personnages dont j'ai pas grand-chose à faire, en fait. Je comprends pas pourquoi avoir pris cette décision dans l'épisode 9, quand ils vont à la maison de la mère, 9 ou 10, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Bah, la sous-intrigue du magasin, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Oui. C'est beaucoup trop long. Mis à part Lou. Mais à quel moment t'es manager dans un magasin et tu dis, tiens, bah, offrir une promotion à Brady, c'est une bonne idée? Bah non, en fait. Surtout vu comment le mec le traite depuis le début, c'est pas possible, tu peux pas. Oui, c'est ça, ça se voit quand même qu'il est pas fiable sur le plan professionnel. Hein. À quel moment tu veux lui confier un truc, quoi? Il a l'air pas mal con, ce manager, en même temps. Hein. Oui, c'est vrai. Tu me diras, c'est normal, il est manager, mais... Mais oui, toute la sous-intrigue du magasin est beaucoup trop longue pour ce que c'est. Et si ça avait été juste pour développer le personnage de Lou, je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens de le faire tout aussi efficacement. Bah, surtout que ça joue très peu sur Lou, en fait, toute cette sous-intrigue. Oui. Oui, ça développe beaucoup la relation entre Brady et son manager qui n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, c'est ça. Et qui amène à des scènes qui sortent de nulle part, quoi. T'as cette scène... Où le manager le présente Brady à ses autres supérieurs. Donc ils vont au restaurant. Et Brady s'imagine en plein milieu d'une scène de massacre. Tu fais, mais ça sort d'où? Depuis quand il a des visions? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça. C'est la seule fois où ça lui arrivera dans la série. Donc c'est très étrange. Vraiment, ça n'a rien à faire là, quoi. Et pourtant, les effets visuels sont réussis. Mais c'est juste que ça n'a tellement rien à faire là que ça te sort du truc. Oui, c'est totalement déplacé, ouais. Il y a aussi beaucoup de flashbacks qui sont ajoutés pour rallonger la sauce. Mm. Et là, bah, on en a déjà un peu parlé en off, notamment tous ceux qui concernent la mère de Brady. Bah, dans une série, ça n'a pas sa place, quoi. C'est pas un des personnages importants, on n'a pas forcément envie de voir ça. Le pire, c'est que tout l'épisode où elle essaie de se reprendre, d'arrêter l'alcool, de retrouver un emploi, tu peux te dire c'est plutôt touchant, sauf que c'est un personnage secondaire... C'est pas censé être sur ça que se concentre la série, en fait. Ça fait vraiment épisode filler. Tout ce qui est entrepris autour de la mère est raté, personnellement, je trouve. Son passé, bon, bah, on s'en carre un peu. Surtout que le plus intéressant, c'est-à-dire la mort du petit frère, elle, est à peine abordée. Et pour le reste, sa mère, j'ai pris une note. C'est à quel moment qu'elle se fait son burger empoisonné, là. Épisode 8 et j'ai marqué... C'est assez tard dans la série, oui. J'ai marqué « La mort de la mère arrive bien trop tard ». Oui, ça inverse la mort de Jenny et la mort de la mère dans la série. Voilà. J'ai pris des notes, hein. La mère enquête, Point d'interrogation, parce qu'à un moment, elle se met à farfouiller dans la baraque pour voir ce que son fils fait. Ouais. Et j'ai noté comment l'impact de la mort de la mère sur Brady n'a pas pu être comprise par les scénaristes de la série. Ça me dépasse. Bah oui, parce que du coup, ils n'ont pas le temps d'installer l'impact correctement. Oui, c'est très expédié, en fait, tout ce qui concerne la mort de la mère. C'est très peu traité. Bah oui. Et puis lui, t'as l'impression qu'il vit ça comme si... ça me fait chier, j'ai mis des chaussettes mouillées aujourd'hui. Ouais, oui, c'est vrai que ça a pas l'air de, ça a l'air de lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Voilà quoi, ça le perturbe, mais bon. Direct après, il est dans une scène où il te dit j'ai été au supermarché acheter des pizzas, il n'y en avait plus. Non mais, Brady aime beaucoup les pizzas au pepperoni, j'ai noté. Oui, oui. Bah écoute, c'est très bien les pizzas au pepperoni en même temps. À la limite, ce qui est réussi, c'est la relation entre Bill et Holly, qui ici devient une relation un peu père-fille de substitution. Ouais. Parce qu'avec le changement d'âge de Holly, elle se retrouve à avoir un âge relativement proche de la fille de Bill. Mm. Et donc, il tente de la protéger d'une manière dont il n'a pas su protéger sa fille. Tout à fait. Ça, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt attachant. Mais pareil, à côté de ça, les scènes impliquant la fille en elle-même sont pas particulièrement réussies. Mais globalement, Holly est un personnage réussi. Oui. Dans la série. C'est notamment les flashbacks de la fille. Ils sont dans l'épisode 5, tu sais, ceux où on la voit en garde à vue et oui. Où on apprend qu'elle va aller en prison. Sauf qu'on n'en a quasiment pas entendu parler avant. Bah c'est ça, ça sort de nulle part, en fait. Ça reviendra très peu après, donc c'est très mal intégré au reste, en fait. Il y a énormément de choses qui sortent de nulle part. On en a parlé durant le final du roman. Hodge sent une crise cardiaque arriver, mais tout le long du roman, il nous dit qu'il est fatigué, il est épuisé, il a des problèmes de cœur. Et là, ça arrive dans le dernier épisode de la série, mais ça sort de nulle part. À aucun moment on te le dit qu'il a des soucis. Oui. Je crois que c'est évoqué qu'il n'est pas en très bonne santé à un moment, mais c'est, oui, mais c'est 5 épisodes plus tôt, quoi. Oui, et puis il n'est pas en très bonne santé comme une personne de 60 ans l'est. Oui, une personne de 60 ans en surpoids, effectivement, on peut se douter qu'il y a des petits trucs, mais ça, effectivement, ça ne donne aucune précision. Là, c'est juste, du coup, il se retrouve pendant tout le final de l'épisode 10 en train de se tenir la poitrine, en train d'halter, là. Je fais, ça sort de nulle part, les gars, allô. Ce qui est une plutôt bonne idée, c'est d'avoir fait que Brady communique plutôt par vidéo dans la série. Ce qu'il envoie par lettre normalement à Bill dans le roman, là il lui fait une espèce de vidéo montage à base d'images un peu creepy, de mèmes ou de creepypasta. Et ça, je trouve qu'à la limite, ça pourrait en effet être le genre de truc qu'en 2017... aurait fait un mec un peu trop fan de culture internet underground. Oui. Mais, et pour le coup, genre, sur qui Feldup aurait fait un findings. Et puis pour le coup, oui, c'est vraiment des vidéos inquiétantes. Oui. Mais comme les moments où il discute avec lui directement, tu sais, il s'installe un filtre qui lui déforme le visage, ça lui fait un visage très inquiétant. C'est plutôt réussi. Mais c'est, encore une fois, et là aussi j'ai pris des notes, il y a des moments où ça manque de tension, quoi. Il y a vraiment des face-à-face entre lui et Brady, et ça manque de tension, c'est quand même... Ouais, tous leurs face-à-face ne sont pas réussis. Le premier est réussi, je trouve. Ouais, la première fois qu'ils se rencontrent, mais c'est celui tout. De l'épisode 5, mais les autres, en effet, sont moins bien. Et puis, ça ne va pas jusqu'au bout, parce qu'à un moment, Brady va quand même envoyer une lettre à Bill, et du coup, je me demande, là, dans la série, ça fait vraiment gros changement dans son modus operandi, pourquoi tout à coup, ce mec, qui a l'air d'être un gros nerd, envoie une lettre, alors que dans le roman, il procède toujours comme ça pour ne pas laisser de traces, ce qui se tenait, mais il y avait moyen de totalement supprimer l'idée de courrier papier dans cette série. Oui. C'est comme si, du coup, c'est comme si les trucs étaient montés à l'envers. Oui. C'est-à-dire au début, il aurait pu passer par là, mais après, voilà. C'est très étrange. Et les contacts vidéo à partir du moment où il est sur le site. On n'a pas trop pris la série dans l'ordre. Ouais. Et pour le coup, je trouve que le massacre de la foire est réussi. Oui. Le premier carnage. Parce qu'il va relativement vite. Il est brusque, il est vraiment très brutal. Vraiment, tu sens la violence du moment, quoi. Ouais. Vraiment, il est très réussi. Mais, enfin, globalement, le premier épisode est vraiment pas mauvais parce qu'il installe tout, même si alors, trucs sont un peu longuets, mais il installe tout. Pour le coup, ça manque juste d'installation de Brady dans le premier épisode. Je trouve que passé le massacre, il y a une bonne vingtaine de minutes qui sont très lentes. Hein. Toute l'exposition de Bill dans son quotidien, avec les voisins, avec la voisine. Bah, c'est surtout la voisine qui pose problème. Son collègue, tout ça, je trouve ça très long. Hein. Parce qu'il y a Jérôme qui arrive dans le premier épisode aussi, là, l'installation fonctionne bien. Il y a, en fait, il y a un moment dans le tout premier épisode que je trouve très réussi. C'est quand il se rend au garage qui garde la Mercedes comme preuve à conviction. Et là, il fait face à la Mercedes et tu vois la bagnole défoncée et ensanglantée. Oui. Et là, il y a un vrai moment de tension, je trouve, entre lui et la bagnole. Alors, je trouve que ça aurait pu marcher si on n'avait pas eu à ce moment-là des flashbacks du massacre. Et ah, on a oui. fallu le filmer de manière plus originale. Mais sinon, le plan sur la bagnole, oui, il est effectivement réussi. Voilà. Et pour le coup, la fin de l'épisode, c'est la découverte que Brady est aussi le marchand de glace. Ça marche assez bien. Ah oui. Est-ce que ça instaure une tension comme quoi il est présent au quotidien? Ensuite, alors c'est à l'épisode 2 qu'on découvre le générique. Et le générique, c'est juste des images du premier épisode avec de la musique dessus. Ils se sont vraiment pas fait chier, quoi. Ah oui. Ils n'avaient pas envie de payer quelqu'un, quoi. C'est... Et puis, bah, des images du quotidien, c'est-à-dire... Dans ton générique, tu vois ton personnage principal qui va pisser, quoi. Super. Ouais. est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de voir, quoi ? Je sais pas, il y a peut-être un message là-dessus. Jenny apparaît très très vite, parce qu'elle apparaît dès l'épisode 2. Peut-être que ça cherche à viser le public des soupeurs. Hein. Non, non. Oui, effectivement, Jenny va arriver assez vite. Ce qui va du coup rendre le développement de la relation entre Jenny et Bill très long, lui aussi. Oui. Et puis là, pour le coup, j'en suis à l'épisode 3, il y a quelque chose qui, pour moi, passe pas dans la série, c'est vraiment Pete qui écoute même pas Bill, je trouve ça ultra léger. Oui, donc son ancien collègue. Ouais, là, quand même, Pete, il sait que Bill est un ancien flic, qu'il avait plutôt un bon instinct. Enfin, normalement, on repousse pas quelqu'un qui vient te dire des trucs tout de même un peu importants comme ça. Parce que même si c'était pas le vrai Monsieur Mercedes, il y a quand même Bill qui lui dit qu'il est harcelé par quelqu'un. Oui. Donc bon, c'est quand même quelque chose léger. De grave, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en plus, la scène est longue. Hein. Oh la vache. Oui. Oh, bah, toutes les scènes sont très longues. Hein. Après, Bill se transforme en gros boomer connard qui fait chier son monde dans le bar. Oui, il est insupportable. Bah, il est beaucoup plus râleur et insupportable avec tout le monde que dans le roman, mais ça, à la limite, on va dire que c'est cohérent sur toute la série, au moins ça fait partie de son caractère. C'est vrai, c'est un vieux papy boomer qui râle sur tout le monde. L'épisode 4, moi dans mes notes, c'est un épisode entièrement filler. Oui, c'est celui avec le suprémaciste blanc. Oui, c'est ça. Sous-intrigue du magasin, du suprémaciste blanc, les flashbacks de la mère, sous-intrigue avec la voisine, oh mon dieu, quoi. Au secours. Ouais. Au secours. C'est dommage, parce que du coup, c'est le premier épisode qui commence à vraiment développer Lou, qui est touchée par les insultes homophobes. C'est la première fois qu'elle est vraiment atteinte. Et la poursuite à la fin, où Bill suit le suprémaciste blanc et joue avec les feux tricolores pour le tuer, elle aurait pu avoir vraiment de l'attention. Si on avait supprimé tous les dialogues de Brady pendant cette scène et que ça avait été un moment entièrement muet, oui. Juste basé sur la poursuite. Parce qu'en plus, il dit des banalités, quoi. Ouais. Mais lui, du coup, je te suis. Alors, ça va? Oh, ta gueule. Mais oui, du coup, c'est dans un contexte où on est dans une sous-intrigue dont on se fout un peu, dont on reparlera pas par la suite, parce que ça reviendra pas du tout dans la suite, cette histoire de suprémaciste blanc. Ça aidera pas à arriver jusqu'à Brady. Donc, c'est chiant au final. Mais et puis surtout, il y a plein de moments dans la série où on te dit « Ah, il faut le choper avant qu'il repasse à l'acte, qu'il refasse des dingueries. » Alors que bah ça y est, en fait, Brady, il en est à... Là, c'est son premier nouveau crime. Après, il va retuer encore quelqu'un derrière, encore une autre. Non, mais c'est bon, en fait, il arrête pas de tuer dans toute la série. Il est beaucoup plus actif dans la série, oui. En fait, c'est déjà une menace, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tension, il va refaire des trucs, il fait déjà des trucs. Ouais. C'est très bizarre comment et c'est maîtrisé. Et on a l'impression que personne enquête sur les trucs qu'il fait. À la limite, sur l'ordinateur de son chef qui explose, là on peut se dire que c'est un accident, donc il n'y a pas d'enquête, c'est normal. Mais sur ce qui arrive aux suprémacistes blancs. Je pense qu'il y a une enquête quand même dans un accident comme ça, et on se rend compte qu'il y a eu un comportement bizarre des feux tricolores. Ça doit être enregistré, ces machins-là. Oui, je pense quand même. Ne serait-ce que pour déterminer les responsabilités, ça doit être enregistré. Bah oui. J'imagine, en tout cas. Oui. L'épisode 5, alors ma première note, c'est la branlette de Brady en pensant au massacre du City Mall, c'est indispensable. Oui. Effectivement, à un moment, en plus, on l'a déjà vu avec sa mère et compagnie. Il y a un moment, ça fait vraiment provoque à deux balles, je trouve. Bah, c'est ça. Pour montrer qu'ils ont le droit de mettre du sexe et de la violence dans leur série. C'est l'épisode du face-à-face, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et l'épisode de la scène avec la mère d'Olivia, qui, pour le coup, est vraiment bien, je oui. trouve. Qui prend conscience que Bill est flic et qui, du coup, lui crache toute sa haine et recrache toute la haine que la police a eue envers Olivia. Oui, et c'est pareil, le moment où Bill, dans la série, prend vraiment conscience que qu'ils ont fait un peu n'importe quoi avec Olivia et que, sous prétexte qu'il l'a trouvée antipathique, ce qu'elle était clairement, ils ont été très négligents dans l'enquête la concernant. Ouais. Donc oui, il y a deux bonnes scènes, la confrontation Bill Brady et la scène avec la mère d'Olivia, mais sinon c'est aussi un épisode vraiment long. D'ailleurs, j'ai pas noté grand-chose d'autre, ça veut dire qu'il doit pas s'y passer tellement de choses. Ensuite vient dans le 6 la rencontre avec Holly, qui ouais, est plutôt réussie. Oui. Parce que t'as toute la scène, du coup, bon, encore une fois longue, mais où ils vont acheter les sandwichs, qui est plutôt touchante, plutôt rigolo. Parce que tu la vois qui, dans la voiture, est très pigne de bouffer le sandwich, mais... Elle sait que ça serait sa mère, elle n'aurait pas le droit parce qu'on est dans une voiture, mais Bill lui dit « Allez, vas-y, t'as envie, ouais. allez, vas-y. » la scène est touchante, finalement. La scène est bien, ouais. C'est le seul bon truc de l'épisode, mais elle est bien. Ensuite, j'ai bien noté, hein, pourquoi Brady a des visions. Ouais, non, mais c'est totalement incompréhensible, ça n'a rien à faire là. Hein. Mais, caméo cool de King, cependant. En effet. Parce qu'il joue l'une des victimes. Il est le. Il joue une des victimes avec une hache dans le dos. Voilà, il joue le mec dans les restos en fait qui passe l'assiette au service à la salle. Donc voilà, il fait un cadavre, c'est super. Bah écoute. Ah, et j'ai noté apprendre le passé de Brady dans des chiottes dégueulasses, sérieux. Parce que. Bah. Du coup, faut Brady l'apprendre quelque part. Non, j'en sais rien. Parce que du coup, Brady se met à péter un câble et chiale, et en fait, il se confesse à son manager, c'est-à-dire à une personne qui, normalement, il est censé détester. Je me dis, mais... Oui. Mais qui a écrit cette scène? C'est bizarre. C'est vraiment étrange, ça n'a ni queue ni tête. Globalement, les flashbacks sont toujours étrangement intégrés, c'est-à-dire à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils arrivent comme un cheveu sur la soupe sans que ça ait réellement de lien avec les scènes qu'on a vues avant. Hum. D'habitude, on essaie de faire en sorte que quand il y a un flashback, ce soit connecté à un événement qu'on vient de voir, à quelque chose auquel le personnage pense. Là, non, pas du tout. Mm. C'est très étrange à ce niveau-là. Tu m'as l'air à bout de nerfs. Vas-y, raconte-moi tout. Pour que tu me pousses au fond du trou ? Oh. Tout le monde a besoin de parler. D'ailleurs, elle a décroché ta fille ? La petite Ali Hodges. Oh non, pardon. Elle se fait plus appeler Hodges, mais Ali Shannon. Du nom de jeune fille de sa maman, j'imagine que ça fait mal. C'est super, Internet. Adresse actuelle, centre de désintoxication, Oak Fall, chambre 11, il me semble. C'est sur Internet, ça? Tu te rends compte? Ta fille est une alcoolo, comme toi. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, le fruit ne tombe jamais très loin du trou du cul. T'as rien d'autre? Prenez votre arme, lieutenant. Tu te crois si doué que ça? Tu crois que tu peux me pousser à me flinguer? Un vieux truc d'étudiant qui ne tentait rien n'a rien. Sauf que t'as jamais fait d'études, c'est certain. Waouh! On dirait que tu me connais vachement bien. C'est pas mal de choses, oui. À mon avis, t'as grandi sans jamais avoir d'amis à l'école. Est-ce que je me trompe? T'allais pas au bal du lycée, je parie que t'as jamais embrassé une fille et que t'as jamais eu de rancard. T'as le livre des clichés entre les mains ou quoi? T'as sûrement été victime d'abus sexuels. Qui t'a baisé le premier? Maman? Papa? Ou le curé? Vous croyez tous être super différents? Ou vous croyez unique? Il s'avère que non. Vous avez un profil identique. Et décevant. Tu sais que dalle. Oh oh, le tueur! Excellente répartie. C'était maman? C'est encore maman. Le vieux manuel des clichés n'est pas si nul. L'épisode 7, c'est celui de la rencontre entre Holly et Jérôme. Oui. Qui, pareil, fonctionne, pour le coup, fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ouais. Les deux se retrouvent autour de l'informatique. Oui. Elle le sort d'une connerie qu'il allait faire. Il allait tout cramer, mais elle l'en sort. Je trouve c'est un peu rigolo, c'est qu'elle lui demande « Est-ce que t'as conscience que tu vas tout cramer ?» Mais comme si c'était une vraie question, tu sais, comme si vraiment elle se demandait s'il n'y avait pas une version du plan où il faut cramer l'ordinateur. Non, mais elle le joue très très bien. Le, oui. Le petit syndrome d'Asperger, comme ça, elle le joue très bien, l'actrice. Vraiment, elle est ouais. Très très bonne. Ouais, elle est très très bien dans le rôle. Moi, l'une de mes premières notes sur l'épisode 7, je tenais à la mentionner, c'est « J'ai du mal à m'imaginer Brady danser comme un abruti dans sa cave, mais bon. » Ah oui, c'est celui qui débute sur sa danse, effectivement. Il écoute, je sais pas ce qu'il écoute, un morceau un peu punk. Et du coup, il s'agite partout dans sa cave, mais non. Arrêtez. Bah, ça le fait retourner vers un autre type de psychopathe, le psychopathe trop fébrile, bah, un peu à la façon d'Indiane dans l'adaptation de Histoire de lycée. Oui. Alors que c'était un personnage beaucoup plus froid et calme jusqu'à présent, Brady. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, il n'était pas du tout comme ça dans tout le reste de la série. Si encore il était comme ça depuis le début, je me dirais, bon, bah, c'est la version Brady série télé, mais là, c'est même pas le cas. Oui, c'est ça. C'est un peu comme s'il changeait de caractère le temps de cette scène, parce que ce ne sera pas forcément trop présent par la suite. Voilà. Je tiens à préciser quand même qu'on en est à l'épisode 7 et que pour l'instant, le plan final, on n'en sait rien. Oui. Alors qu'à ce moment-là, normalement, il est clairement dessiné dans le roman. Là, c'est vraiment Brady agit du jour au lendemain. Vraiment. Après, c'est un peu comme ça dans le roman aussi, sauf que comme ça passe beaucoup plus vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, tandis que là, vraiment, tout est long. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est dans cet épisode que Jenny meurt. Oui. Avec donc Brady qui, ici, sait qu'il est en train de tuer Jenny. Mm. Et c'est aussi tout l'épisode où on a l'impression que la mère de Brady commence à suspecter qu'il est Monsieur Mercedes, en tout cas comprend qu'il est complètement taré et suspecte qu'il est Monsieur Mercedes. Sauf que là, pareil, elle va très vite changer d'avis, alors que le comportement de Brady n'est pas du tout du genre à la rassurer, normalement. Bah oui, il la menace. Est-ce que c'est juste qu'elle replonge dans l'alcool pour... est-ce que c'est juste qu'elle est convaincue que c'est Monsieur Mercedes, mais qu'elle décide de replonger dans l'alcool pour tenter de l'oublier, c'est possible. Oui, mais dans ce cas-là, c'est très mal fait. Parce que oui, c'est pas ça. Ce qu'on comprend. Ouais. Par contre, à la limite, l'idée de Brady qui veut absolument que sa mère reste alcoolique, qu'elle ne s'en sorte pas, parce que si elle s'en sort, ça modifie son monde, ça, c'est plutôt une bonne idée. Oui, bah ça le renforce dans sa psychopathie. Oui, voilà. Donc oui, c'est très très bien. Juste, la bagnole qui explose, c'est bien fait. Parce que c'est pas forcément toujours réussi, surtout dans des séries télé. Oui. Là, ça rend plutôt bien. L'épisode 8, donc... la mort de la mère. Il y a la mort de la mère. Là, pour le coup, qui est plutôt réussi, je trouve. Mmh. Le moment est pas mal violent, visuellement. Ça rend vraiment bien, effectivement. Après, en dehors de ça, l'épisode est beaucoup moins réussi, je trouve. Là aussi, c'est beaucoup du remplissage. Moi, j'ai juste rempli. J'ai juste marqué donc une note sur la mort de la mère et... Choix de séquence avec Holly, quand elle est chez Bill, et tu sais qu'il l'a, il l'installe dans la chambre de sa fille, et en fait elle fait face au plafond avec de la constellation. Ah oui. Et oui. La scène est jolie. C'est dans cet épisode que j'ai noté que ça commençait à être beaucoup trop récurrent, Bill qui veut éloigner tout le monde de lui, parce que c'est là qu'il appelle la mère de Holly pour qu'elle récupère sa fille, parce qu'il ne veut pas la mettre en danger. Ça fait 10 fois qu'il nous fait le coup. Et blablabla, et blablabli. Ouais, voilà. Et c'est là aussi qu'il va voir sa fille dans la cure de... dans son centre de désintox. Mais pareil, on s'en fout un peu. C'est pas un personnage qui a été suffisamment introduit pour qu'on s'y intéresse quand elle arrive à l'épisode 8, le temps d'une scène. Bah, c'est ça. Je ne sais même plus ce qui se passe dans l'épisode 8, à part ça. Je pense sur rien, vu que j'ai rien noté. Mais après, j'ai rien noté pour l'épisode 9 ni le 10. Pas grand-chose, non. J'ai plus rien noté. Non, pas grand-chose. Il y a le nouveau manager qui arrive au magasin, mais on s'en fout. Donc, il se passe pas grand-chose d'intéressant. C'est là qu'il trouve les fichiers audio dans l'ordinateur d'Olivia. Ah oui. 8, disons, tout de même. Et qu'ils les font écouter aux flics et que les flics se disent « Ah, peut-être qu'en fait, il y a quelque chose. » Oui, voilà, c'est ça. Il commence à réagir un peu. C'est là, c'est d'ailleurs dans l'épisode 9 que assez vite, ils vont aller dans le magasin Supreme Electronics pour, et qu'ils vont reconnaître... Pour le coup, c'est Bill reconnaît Brady comme étant le marchand de glace. Oui, c'est plutôt bien amené. Et du coup, le manager est mort à ce moment-là. Alors, attends... Il me semble, hein. Non, c'est un peu plus tard dans l'épisode. Parce qu'à ce niveau-là, c'est encore justement Robbie qui les accueille. C'est vers la fin de l'épisode que Brady tue son patron. Oui, parce que Robbie, c'est lui qui leur montre la photo et tout. Exact. Ouais, c'est ça. Dans cet épisode-là, il y a aussi un développement de la relation père-fille donc entre Holly et Bill, avec la scène où il lui donne l'espèce de statue de chien, là, bizarre. Ah oui, le bulldog. Ouais. Le presse-papier. Là. Et là, il y a une scène que je ne comprends pas. C'est que Holly et Jérôme se renseignaient sur les gros événements à venir, justement, pour savoir quand est-ce que Brady pourrait agir à nouveau. Et ils trouvent... Et il trouve le salon de l'emploi. Oui. Et Hodge réagit en mode « Bah non, c'est pas logique. » Bah, comment ça ? Je ne comprends pas cette scène. Moi non plus. Normalement, justement, ils auraient dû plutôt lui dire « Regarde, il y a le truc culturel. » Et lui, il aurait plutôt dit « Bah non, mais il y a le truc de l'emploi, c'est là où il va aller. » Ouais. Ou alors, à la limite, qu'il lui soumette le truc de l'emploi et que Bill trouve autre chose direct. Tandis que là, il dit « Non, juste, il va pas réagir. » Sans raison. C'est ça, c'est vraiment bizarre. Il y a, ouais. Il y a un gros souci d'écriture sur cette scène-là. Ouais. Il n'y a vraiment aucune logique. La scène qui est plus réussie, c'est que Bill va rencontrer Lou, et Lou qui refuse de croire la possibilité que Brady soit un tueur, oui. Parce qu'elle s'était un peu attachée à lui. Ça, c'est une scène plutôt réussie, mais encore une fois, c'est un personnage secondaire dans cette saison, et qui n'est pas réellement connecté à l'intrigue principale auquel on s'attache le plus, limite. Oui, bon, et puis... Au-delà de ça, par contre, c'est la scène très cliché du « Oh, mais il ferait jamais de mal à une mouche ». Là, c'est la scène du voisin parfait qu'on ne suspecte pas d'être un monstre. Voilà. Ouais. Le souci, c'est que cet homme n'était pas une mouche. Je cite Wasabi maintenant, ça va vraiment pas. Hein. Effectivement. L'assaut de la maison, donc Brady va tuer son patron, l'assaut de la maison est beaucoup trop long. Oui, et c'est dommage parce que ça aurait pu être une bonne scène. Ouais. Et Brady, là, se fait passer pour mort en faisant exploser et brûler la maison au moment de l'assaut des flics. Et donc, il retrouve deux corps côte à côte dans le lit de la mère, celui de la mère. Et celui de Robbie, mais ils ne le savent pas encore. Voilà, c'est ça. Il croit que c'est Brady, donc qu'il ne va pas réagir. En fait, si, j'ai noté un truc sur l'épisode 9. J'ai noté justement l'assaut sur la maison aurait pu être une séquence pleine de tension si la conclusion n'était pas une évidence. Parce qu'on se doute bien que Brady n'est plus là. Au moment où ils sont là en train de s'agiter autour du van, enfin il s'est barré quoi. Oui, bah surtout que Bill était déjà venu chez Brady un peu plus tôt dans l'épisode, sans mandat, donc il pouvait pas rentrer, mais du coup il s'était fait remarquer. Bah oui. Et donc on en arrive au dernier épisode qui commence sur une scène de cauchemar, bon bah ratée, comme le sont souvent les scènes de rêve quand même, qui font très vite remplissage. Oui, et puis elle est longue. Hein. À la limite, la fausse vidéo du suicide de la part de Brady, ça aurait pu être intéressant, sauf que ça va entraîner toute une partie très longue où ils vont tarder à se rendre compte que Brady a tué son patron et l'a mis dans le lit avec la mère à la place. Mmh. On est au dernier épisode, on préférerait se concentrer sur des trucs plus importants. Bah sur la traque. Et surtout sur les personnages principaux plutôt que sur Pete et sa collègue et la procureure dont on se fout. C'est ça. Puis à la préparation de Brady, arrive, du coup, où il se rase et tout. Mais on arrive en effet vers le final. Mmh. Bah c'est long. Oui. Encore une fois, c'est long. Il y a le face-à-face entre Lou et Brady, où Lou comprend enfin que, bah oui, effectivement, Brady est un psychopathe. Ouais. La scène est plutôt bien rendue, pour le coup, je trouve. Oui. Il la plante sauvagement, elle s'écroule, il la fout sous une bâche pour essayer de la cacher. Vraiment, tout ça, c'est plutôt bien rendu. Et en plus, lui, il est dans son fauteuil, donc il l'accueille comme ça. Et puis, d'un coup, il se lève avec le couteau. Et la scène est vraiment inquiétante, pour le coup. Ouais, ouais, ce moment-là est bien réussi. À côté de ça, il y a le truc très raté de Bill qui prévient un peu tout le monde que Brady va agir de nouveau et donc qui, par sécurité, alerte un peu tout le monde. Et quand il appelle sa voisine, elle traite l'appel comme si Bill était fou et que fallait pas prendre ça au sérieux. Meuf, tu sais que c'est quelqu'un qui a fait un attentat, qui a tué une dizaine de personnes plus qu'il y a quelques mois. Tu sais qu'il a fait sauter une voiture d'une proche de Bill il y a quelques jours. Mmh. Au bout d'un an, tu t'inquiètes là. Enfin, tu raccroches pas pour finir d'écosser tes haricots verts. C'est ça, c'est incroyable. C'est débile cette réaction. Comme beaucoup de réactions dans cet épisode. Enfin, dans cette série. Même à la fin, enfin, je ne comprends pas quand Bill du coup braque Brady, quand il le retrouve, il le braque, et t'as Brady, tu sais, qui a ce petit jeu là avec son téléphone qui agite son doigt, genre gna gna gna, je vais appuyer. Alors qu'il pourrait le faire tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais déjà, Bill, pourquoi est-ce qu'il veut. Enfin, il sait que Brady, à ce stade-là, il sait que Brady a des explosifs. Donc, normalement, tu ne te fais pas signaler, justement, tu te fais pas repérer dans ce genre de truc. Oui. Justement, dans le roman, c'est très mis en avant qu'il ne faut pas qu'ils y aillent à la bourrin, parce que sinon, ils vont se faire repérer et Brady pourra tout faire sauter avant qu'on l'arrête. Et puis, au bout d'un moment, tu es aux States, quoi. Même si le mec il te repère, bah, tu tires une balle dans la tête, quoi, au bout d'un moment. Oui, aussi, c'est vrai, c'est les States. Franchement, ça passe là-bas. Chez nous, tirer en commission disciplinaire, mais au final, bon, t'aurais tué un terroriste, on t'applaudirait. Ouais, voilà. Mais chez eux, on t'applaudit direct. Chez eux, on t'applaudit direct. Même s'il est juste écologiste, ça passerait. Oui, mais pas tout de suite, parce qu'il est quand même blanc. Donc, il faut faire attention. Ah oui, c'est vrai, il est blanc. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Oli s'acharne quand même, hein. Un peu beaucoup. Oui, là, pour le coup... M'a un peu perturbé, je me suis dit, bah... Ouais, peut-être un peu trop, mais... Commettre un coup, je veux bien, mais bon, là... Là, c'en est même plus crédible qu'en fait le mec ait survécu à ça, quoi. Normalement, il a dû crever. C'est vrai qu'elle bourrine bien. Il aurait dû casser sa pipe direct, quoi. D'ailleurs, il a un peu baissé en ambition, Brady, parce que, il est au milieu d'une cinquantaine de personnes, mais il est quand même passé du gros concert de boys band avec des milliers de personnes à la chorale de l'école primaire où il y a les parents d'élèves, quoi. Ah, ça, tu sens le budget série télé, mais du coup, c'est très bizarre de gonfler le nombre de morts pendant le carnage des portes ouvertes pour les chômeurs à ça, quoi, à la fin. Plus, il a l'air un peu nul, ce fichtoche. Ça a l'air d'être un peu séance de théâtre contemporain toute pourrie. Bah oui, enfin, c'est pas mal de l'interrompre. Ça a l'air d'être un truc organisé par un quartier, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la MJC qui organise le truc. Et toute la fin, comme le reste de la série, traîne à mort, je trouve. C'est ça, c'est peu passionnant. On te montre le destin des persos. Alors du coup, ce qui me rend le plus curieux, en fait, c'est l'évolution de Lou dans le reste de la série. Voir comment elle est vraiment personnage qui apparaît dans quasi tous les épisodes sur les deux dernières saisons. Donc ça devient vraiment un personnage important, a priori. Voilà, et donc ça va être intéressant de voir, du coup, elle, comment elle va vivre tout ça. Ce qu'elle a vécu avec Brady, quoi, ce traumatisme, parce que ça a créé chez elle. Ça va être intéressant, par contre. Oui. Si c'est parti comme la saison 1, ce sera le seul truc intéressant des deux prochaines saisons, donc finalement, peut-être heureusement qu'elle est là. On va faire de l'accéléré sur tout, sauf les passages de loup. C'est ça. Mais voilà, parce que on n'en a pas parlé, mais au-delà de ça, la réalisation, elle n'a rien d'extraordinaire. La photo, elle n'a rien d'extraordinaire. La musique, t'en as parlé, elle a rien d'extraordinaire. Voilà, quoi, c'est quand même... C'est très plan-plan, c'est une série télé très plan-plan, ouais. Alors que ça aurait pu être tellement plus. Ça aurait pu être tellement plus si ça avait été beaucoup plus court. En 4-5 épisodes, ça aurait pu être très bien, je pense. Ou produit même par une chaîne qui a l'habitude, vraiment, de faire des séries télé, parce que là, je crois pas que ce soit le cas. Hein. Non, ils ont pas tant de séries télé que ça, la chaîne, effectivement. Mais oui, moins d'épisodes, mais bon, en 10 moins épisodes, long. Voilà. Même une chaîne habituée, elle aurait raté, je pense. Parce que c'est clairement trop pour une telle histoire. C'est ça. Ou alors tu réduis tes épisodes de moitié, tu fais des épisodes de 30 minutes. Oui, à la limite, mais c'est pas un format très habituel sur du policier drame. Non, c'est clair. 30 minutes. Mais bon, l'habituel, on a bien vu où ça nous mène. Oui, c'est pas faux. On passe à une scène ? Eh ben, on passe à une scène. Under my allons donc lire un extrait issu du milieu du roman, un peu au-delà du milieu. La mère de Jenny vient de décéder, c'est ses funérailles, donc le reste de la famille est arrivé. Et alors que Bill se sent un peu comme un intrus au milieu du reste de la famille venu rendre hommage à la mère décédée dont le cercueil est exposé, il va sortir et retrouver Holly qui elle aussi reste dehors parce qu'elle a peur de voir le corps. Nous sommes dans la partie L'appel des morts, chapitre 11, page 275 de la version e-book Albin Michel. C'est un peu Hodge l'intrus ici, alors il décide d'aller prendre l'air. Il reste sur le perron un instant, passant en revue les voitures garées de l'autre côté de la rue, cherchant un homme assis tout seul à son volant. Il ne voit personne et s'avise qu'il n'a toujours pas vu Holly la marmonneuse non plus. Il flâne jusqu'au parking visiteur et la voilà, assise sur les marges de derrière. Elle porte une robe marron terriblement peu flatteuse qui lui arrive au niveau des tibias. Ses cheveux sont rassemblés en deux macarons tout aussi peu flatteurs de chaque côté de la tête. Hodge trouve qu'elle ressemble à Princesse Leia après un an de régime Karen Carpenter. Holly aperçoit son ombre sur le sol, sursaute et cache quelque chose dans sa main. En s'approchant, il comprend que l'objet caché est une cigarette à demi fumée. Elle lui adresse un regard réservé et inquiet. Hodge trouve que c'est le regard de chien qui aurait reçu trop de coups de journaux pour avoir fait pipi sous la table de la cuisine. « Ne le dites pas à ma mère, elle croit que j'ai arrêté. » « Vous pouvez compter sur moi », lui répond Hodge, se disant que Holly n'a plus l'âge de se soucier de ce que pense sa mère, de ce qui est probablement son unique mauvaise habitude. « Vous me prêtez un bout de marche ? Vous ne devriez pas être à l'intérieur avec Jenny ?» Mais elle se décale quand même pour lui faire de la place. « J'avais besoin d'air. Excepté Jenny, je ne connais absolument personne. » Elle l'examine avec la franche curiosité d'un enfant. « Est-ce que vous et ma cousine êtes amants ?» Il est gêné, non pas par la question, mais par l'irrationnelle envie de rire que cela suscite en lui. Il regrette un peu maintenant de ne pas l'avoir laissé fumer sa cigarette illicite dans son coin. « Eh bien, dit-il, disons que nous sommes de bons amis. Peut-être que nous devrions en rester là. » Elle hausse les épaules et recrache la fumée par les narines. « Moi, ça ne me gêne pas. Je pense qu'une femme devra avoir des amants si elle en ressent l'envie. Personnellement, je n'en ressens pas l'envie. Les hommes ne m'intéressent pas. Non pas que je sois lesbienne, ne croyez pas ça, j'écris de la poésie. » « Ah oui ? C'est vrai ?» Oui, et sans transition, comme si tout ça avait un lien, ma mère n'aime pas Jenny. Vraiment ? Elle pense qu'elle n'aurait pas dû hériter de tout l'argent d'Olivia. Elle dit que ce n'est pas juste. C'est probablement vrai, mais moi, personnellement, je m'en fiche. La façon qu'elle a de se mordre les lèvres envahit Hodge d'une troublante sensation de déjà-vu et il ne lui faut pas plus d'une seconde pour réaliser pourquoi. Olivia Trelawney faisait la même chose durant les interrogatoires. Les liens du sang parlent, presque à tous les coups. « Vous n'êtes pas encore entré, dit-il. Non, et je n'entrerai pas. Et c'est pas elle qui me forcera. J'ai jamais vu de mort et je ne commencerai certainement pas aujourd'hui. Ça me filerait des cauchemars. » Elle écrase sa cigarette sur le rebord de la marche, férocement, la broyant jusqu'à ce que les dernières étincelles volent et que le filtre se déchire. Son visage est aussi pâle que du verre dépoli. Elle s'est mise à trembler, ses genoux s'entrechoquent presque, et si elle n'arrête pas de la mordre, sa lèvre inférieure va finir par saigner. « C'est ça le plus dur, dit-elle, et elle ne marmonne plus. Au contraire, si elle continue d'élever la voix comme ça, elle va bientôt hurler. « C'est ça le plus dur, c'est ça le plus dur, c'est ça le plus dur !» Il passe un bras autour de ses épaules frémissantes. L'espace d'un instant, le frisson se mue en spasme général. Il s'attend carrément à ce qu'elle s'enfuit, s'attardant peut-être juste assez longtemps pour le traiter de satyre et lui en coller une. Puis les tremblements diminuent et elle pose même sa tête sur son épaule. Elle respire rapidement. « Vous avez raison, dit-il. C'est ça le plus dur. Ça ira mieux demain. Est-ce que le cercueil sera fermé ?»« Ouais. » Il dira à Jenny qu'il le faut, à moins qu'elle ne veuille que sa cousine reste une fois de plus assise dehors au milieu des corbillards. Holly le regarde avec ce même air de sincérité naïve. « Elle a vraiment rien pour elle, se dit Hodge. Pas la moindre lueur d'intelligence, pas un pet de jugeote. » Il en viendra à regretter ce jugement, mais pour l'instant, ses pensées sont de nouveau tournées vers Olivia Trelawney. Comment la presse l'avait traité et comment la police l'avait traité, lui y compris. Vous me le jurez ? Oui. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Puis, repensant toujours à Olivia et à sa correspondance empoisonnée avec Monsieur Mercedes, vous avez pris vos médicaments, Holly ? Ses yeux s'agrandissent. Comment vous savez que je prends du Lexapro ? C'est elle qui vous l'a dit ? Personne ne m'a rien dit. « Personne n'a eu besoin de me le dire. J'ai été inspecteur dans la police, vous savez. » Il resserre un peu le bras qu'il a passé autour de son épaule et la secoue doucement et gentiment. « Répondez à ma question maintenant. »« Il est dans mon sac. Je ne l'ai pas pris aujourd'hui parce qu'il... » Elle lâche un petit rire perçant. « Parce qu'il me donne envie de faire pipi. » »« Si je vais vous chercher un verre d'eau, vous le prendrez ?»« Oui, pour vous. » Toujours ce même regard innocent, le regard d'un petit enfant qui jauge un adulte. « Je vous aime bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Jenny a de la chance. J'ai jamais eu de chance dans ma vie. J'ai même jamais eu de petit ami. » « Je vais vous chercher de l'eau, » dit Hodge en se levant. Au coin du bâtiment, il se retourne. Elle est en train d'essayer d'allumer une autre cigarette, mais elle a plutôt du mal car ses tremblements sont revenus. Elle tient son briquet Bic à deux mains, comme un policier sur un stand de tir. De retour à l'intérieur, Jenny lui demande où il était passé. Il le lui dit et demande si le cercueil pourra être fermé demain pour la cérémonie d'hommage à la défunte. « Je pense que c'est ton seul moyen de la faire rentrer, » dit-il. Jenny regarde sa tante, maintenant au centre d'un petit cercle de vieilles dames discutant toutes avec ferveur. « Cette conne n'a même pas remarqué que Holly n'est pas là, » dit-elle. « Tu sais quoi, je viens de décider qu'il n'y aura même pas de cercueil demain. Je dirai au directeur des pompes funèbres de le mettre à l'arrière, et si ça plaît pas à Tante C, elle pourra aller se faire voir. Dis ça à Holly, ok ?» Le directeur des pompes funèbres, déambulant discrètement, invite Hodge à se rendre dans la pièce d'à côté où des boissons et quelques encas ont été disposés. Hodge y prend une bouteille d'eau d'Assani et ressort sur le parking. Il transmet le message de Jenny et reste assis avec Holly jusqu'à ce qu'elle prenne une de ses petites pilules blanches du bonheur. Une fois qu'elle l'a engloutie, elle sourit. « Je vous aime vraiment bien. » Alors, usant de ce splendide talent de flic formé à dire le bon mensonge au bon moment, Hodge répond chaleureusement « Moi aussi, je vous aime bien, Holly. » Très bien, et maintenant, nous allons voir la même scène dans l'adaptation. Pardon. Zut. Je voulais pas te faire peur. S'il vous plaît, dites pas à ma mère que vous m'avez vu fumer. Avant, je fumais, mais je fume plus parce que maintenant, j'ai arrêté. Je sais ce que c'est, j'ai clopé pendant je ne sais combien d'années. Des années, un paquet par jour. D'accord. En fait, si ça reste entre nous, je peux t'en taxer une, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je peux m'asseoir ? Oui. Merci. Oh, ça m'a manqué. Je me demande pourquoi les bébés qui sont sur le point de venir au monde mais qui sont pas encore nés et les personnes qui vont mourir mais qui sont pas encore décédées vont tous au même endroit pour faire ce qu'ils ont à faire. Puisque la naissance, c'est le contraire de la mort. Mmh. Est-ce que c'est parce que les deux font beaucoup pleurer ? Parce que ça expliquerait pourquoi je... J'ai horreur des hôpitaux, parce que je supporte pas de voir des gens pleurer. Quand ma meilleure amie a été tuée, je suis même pas allée à son enterrement à cause de tous les gens qui allaient pleurer. Et parce que je pouvais pas m'asseoir à côté d'elle. Ça va, là ? Je peux faire quelque chose ? Avant que ma cousine Olivia ne soit tuée, elle... C'était la seule personne à qui je parlais vraiment, parce que c'était ma meilleure amie, mais elle s'asseyait en face de moi quand on discutait. Jamais à ma droite ni à ma gauche, et il y a un bout de temps que je tourne la tête à gauche, parce que je sais que c'est important d'établir un contact visuel quand on essaie de nouer des relations sociales. Mais là maintenant, le côté droit de mon cou me semble plus long que le côté gauche de mon cou, et mon côté gauche se sent négligé, vous voyez ? Par conséquent, je vais devoir tourner la tête et regarder de l'autre côté pendant un moment. Entendu. Cela dit, on peut continuer à parler quand même. Je vous entends encore. De toute façon, j'en avais assez d'être assis au même endroit. Oui. Ça te dérange que je te pose une question ? Malheureusement, je peux pas vous répondre sans savoir de quelle question il s'agit. Je vois ce que tu veux dire. Ta cousine Olivia... Pourquoi tu dis qu'elle a été tuée ? En fait, ça me dérange comme question, oui. Vous êtes en colère après moi ? Pas du tout. Qu'est-ce que t'as grandi ? Je sais pas toi, mais moi j'ai un peu la dalle. Tu veux pas qu'on aille chercher des sandwichs pour tout le monde ? J'ai une adresse super, c'est vraiment pas loin. Est-ce que je dois demander à ma mère avant ? Non. Si elle s'énerve, je dirais, c'est ma faute. Oh, d'accord. Donc ce sont deux scènes qui pour le coup ont pas mal de points communs. Déjà, comme on l'a dit, le personnage de Lee est quand même globalement réussi dans l'adaptation. Oui, en termes d'écriture dans le roman et en termes de jeu d'actrice dans l'adaptation, vraiment c'est, les deux sont réussis. Ça commence de la même manière avec Holly qui semble inquiète du fait que Bill la surprenne en train de fumer. Oui. Ce qui est une réaction très enfantine et qui montre bien qu'effectivement sa mère la met dans une situation de domination depuis un bon moment et l'infantilise complètement tout le temps. Oui, clairement. Mais très très vite, en fait, on est touché par ce personnage. On l'a déjà vu un peu avant dans la série, en réalité, même si elle n'a pas parlé, on l'a déjà vu qui se tenait dans un coin dans la maison de retraite. Oui. Et dès le début, on avait la mère, justement, qui lui disait qu'elle faisait tout pour se faire remarquer. Donc oui, l'attachement pour ce personnage-là est vraiment rapide. La mère de l'année. Hein. Ah oui, là, c'est... Monsieur Mercedes, au niveau des mères, c'est vraiment pas ça. Hein. Ah oui, non, effectivement, non. Enfin, ceci dit, Bill n'est pas non plus un très bon père. Non, c'est vrai. Ah, pour le coup, la femme de Bill, donc la mère de sa fille, semble être une meilleure mère que lui n'est un bon père. Oui, c'est ça. On la voit trop peu pour pouvoir vraiment en juger, mais on dirait en effet. Mais oui, du coup, les deux scènes nous présentent une Holly vraiment très touchante, que ce soit dans le roman ou dans son adaptation. Le personnage, on comprend très très vite que le personnage a un syndrome d'Asperger ou un autre syndrome autistique, hein, c'est pas dit clairement, mais on le devine très vite. Et surtout, à aucun moment, ce n'est pointé du doigt comme étant bizarre ou quoi que ce soit. C'est vraiment dépeint de manière très naturelle et très bienveillante. Oui, la plupart des personnages vont s'y faire très vite. Jérôme aussi va très très vite devenir proche de Holly. Oui, oui, il va très vite. D'ailleurs, j'aime beaucoup leur première rencontre dans l'adaptation. Ils disent bonjour, ils s'assoient, et puis Holly lui dit « Est-ce que finalement tu peux me dire bonjour de la main gauche ?» Oui, aussi, pour ça qu'il se soit serré la main des deux mains. C'est rigolo. Ce qui revient à la fin, d'ailleurs, quand elle est félicitée par le maire à la fin, on voit qu'elle demande à ce qu'il lui serre les deux mains. Oui. Mais effectivement, en effet, c'est jamais pointé du doigt par les personnages principaux. Et même Jenny, on la voit relativement peu avec Holly, mais tout ce qu'elle en dit, c'est qu'elle est un peu étrange, mais elle est sympa. Oui, voilà, c'est ça. Mais même la mère, hein, qui est un personnage un peu odieux et acariâtre, elle est comme ça parce que c'est un personnage un peu casse-couille sur les bords, mais t'as pas l'impression qu'elle reproche plus que ça à Holly son état autistique. C'est pas ça qui la gêne, en fait. Bah, c'est plus compliqué à dire pour la mère, parce que finalement, elle lui reproche quand même de tirer la couverture à elle, ce qui, à chaque fois, est dû à des manifestations de son syndrome. Du coup, elle le lui reproche un peu, au final, tout de même. Oui. Dans le cas de la mère, je trouve ça plus ambigu. C'est plus ambigu, oui. Ça donne surtout l'impression qu'elle n'a jamais fait diagnostiquer sa fille pour quoi que ce soit, et que du coup, elle ne sait pas du tout s'en occuper. C'est ça que j'ai lu plus ou moins dans le parcours de la mère, moi. Oui, oui, d'accord. Bon, après, oui, c'est vrai que le père semble plus attristé par le traitement que réserve sa femme à sa fille. Oui, qui est très effacé d'ailleurs, le père. Ah bah c'est le cliché de la mère et donc de la femme castratrice, on pourrait dire. Ouais. Un terme qui me fait frissonner de dégoût. qui est accompagné de beaucoup de trucs pas ouf dans l'ensemble au niveau de sous-entendu, mais oui. Voilà, c'est un terme que j'aime pas, mais malheureusement c'est le terme... C'est le terme consacré, quoi. Oui, d'ailleurs, alors le personnage est très secondaire, donc on s'en fiche un peu, mais en fait, dans le roman, c'est un autre... Enfin, c'est un oncle. C'est un autre frère de la mère d'Olivia et Jenny. Le mec qui accompagne. C'est pas le mari de la sœur. Exact. Ou alors, si c'est aussi le mari de la sœur, c'est que c'est une famille bizarre, mais voilà, je ne crois pas. Ça se passe pas dans le Nord, cette histoire. À Westeros. Ouais, non, voilà, non, ça doit pas être ça. C'est un des moments où l'adaptation réussit bien, parce que c'est plutôt bien écrit, parce que là, c'est toujours très simplement filmé, hein, c'est du chant contre chant qui cherche pas grand-chose, mais comme à la fois Brendan Gleeson et Justin Loop sont très bien, bah, la scène fonctionne. C'est ça. Mais voilà, c'est pas suffisant pour faire une bonne série. Et je propose qu'on classe ça tout de suite pour voir ce qu'on en fait. Eh ben allons-y. Bah du coup, le classement que le monde entier nous envie. Comme d'habitude, je vais commencer par celui des écrits. Et toi, mon cher camarade, tu t'occuperas des adaptations. Au niveau des écrits, nous en sommes à 53. Les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée, qui est rentré dans le top 5 il y a peu. C'était il y a combien de temps? C'était il y a peut-être un petit mois et demi maintenant, Histoire de lycée? Ah, peut-être plus. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Je me perds un peu dans les dates, mais je dirais un peu plus. Mais en tout cas, c'est la dernière rentrée dans le top 5. Ouais. Ça, c'est sûr. Et dans le flop 5, nous avons à la 49e place Le Radeau, suivi de L'Année du Loup-Garou, puis Dr Sleep, le 5e quart en 52e, et en 53e, Grand Chauffeur. Je viens de vérifier, ça fait 2 mois et demi, Histoire de lycée, d'accord. Quand celui-ci sortira. Grand Chauffeur et son récit un peu trop problématique sur plein de clichés. Voilà, le Rapid and Revenge un peu trop omniprésent, ouais. Au secours. Mm. L'autre vrai grand problème du Grand Chauffeur, c'est la loi du talion beaucoup trop omniprésente. Ouais. Monsieur Mercedes. Alors. Monsieur Mercedes, je te l'annonce tout de suite, c'est un très bon roman, mais pour moi, pas au point de terminer dans le top 10. Non, top 10, non. Clairement pas. Alors, est-ce que toi, t'as une idée? Moi, déjà, je le vois quand même en dessous de Misery, je le vois en dessous de La Ligne Verte, des Langoliers. Ouais, moi, je suis même déjà descendu plus bas, parce que je le vois aussi en dessous de Cellulaire, par exemple. Ah bah oui, bah c'était là que je regardais aussi. Mais par contre, à partir de Jesse, ça se discute. Oui, c'est ça. C'est ça. Jesse est peut-être plus intéressant dans tout son développement, mais comme la fin de Jesse est moins réussie et qu'au contraire, celle de Monsieur Mercedes est vraiment réussie, ouais. C'est là que ça commence à devenir très Et moi, je pense même que discutable. C'est là qu'il devrait être, entre Cellulaire et Jesse, finalement. Ouais, donc la 20e place. Ouais. La nouvelle 20e place. Oui, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ce qui reste une très bonne place dans les romans. Encore une fois, la concurrence est assez sévère. Hein, parce que Jesse, j'aime pas la fin, mais c'est quand même un roman que je conseille. C'est très bien, Jesse. C'est très simple. Hein. Pour moi, dans les romans, ça commence vraiment à devenir nul. À partir de quoi? Vraiment nul à partir de L'Année du Loup-Garou. Vraiment moyen à partir de... Plutôt de 1922, Brume, Chat d'enfer, voilà. Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Donc, nous allons passer au classement du film, enfin de la série. Les adaptations, nous en avons 78 de classés pour le moment, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières places, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 237 de Rodney Asher. Cette merde complotiste de fils de... C'est de plus en plus insultant à chaque fois, ça me fait rire. Et donc, Monsieur Mercedes, saison 1, donc là pour le coup, on classera chaque saison séparément, évidemment. Oui, où oui. Où est-ce oui. que ça va aller? Vu que chaque saison adapte un roman, c'est juste que bah, du coup, l'ordre ne sera pas pareil dans les romans que dans la série. Ouais. Enfin, l'ordre d'écriture. Compliqué, hein. Là, je tombe sur une autre série, comme ça, à la 47e place, il y a 22-11-63 de Bridget Carpenter, et même s'il y avait beaucoup de longueur, je trouve qu'il y avait globalement plus de trucs réussis dans 22-11-63. Oui, déjà, je trouve qu'il y a un meilleur travail de réal et de lumière sur 22-11-63. Oui, déjà. Rien que ça. Effectivement. Ouais. Donc déjà, ça va aller en dessous de 22-11-63. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que La Tour Sombre ? Putain, c'était la question que je suis en train de me poser. Et je me dis que finalement, je préfère même revoir La Tour Sombre. Bah, ça passe vite. Y a Idris Elba. Voilà. C'est un peu rythmé. Par contre, je te cache pas qu'après, La Cadillac de Dolan, bon. Ouais, non, La Cadillac de Dolan, c'était vraiment pas terrible. Hein. J'en ai déjà quasiment tout oublié de La Cadillac de Dolan. Il est haut, hein. Je trouve que La Cadillac de Dolan en a été gentille. Hein. Bon, en même temps, il y a des trucs vraiment nuls en dessous. Ouais, mais bon. Oh, arrête un peu, Creepshow 3 et son introduction animée. Ça va devenir un running gag, ça. Ouais. À la limite, en dessous de Creepshow 2. Ouais. Parce que Creepshow 2 était bien rattrapé par son dernier segment. Ouais, voilà, c'est ça. Disons que Creepshow 2, ce qui sauve Creepshow 2, c'est pas le segment de King, quoi. C'est un autre. Oui. Mais ce qui est déjà le cas d'un autre truc pas mal plus haut, hein, c'est déjà le cas de... De Quicksilver Highway. Ouais, donc bon. Bah allons-y, hein, entre Creepshow 2 et... 57e place. Voilà, entre Creepshow 2 et La Cadillac de Dolan. C'est-à-dire à côté d'un autre récit plutôt polar. Oui, en effet, mais qui est une... Mais qui est une nouvelle. Mais qui est une nouvelle. Et qui était effectivement interminable aussi en adaptation. Oui. Ah, mais enfin, même la nouvelle n'était pas folle. Non, la nouvelle est vraiment pas extraordinaire. De La Cadillac de Dolan, c'est sympa, mais c'est pas un classique, clairement. Voilà. Bon, bah voilà, on est sur un roman très agréable, mais qui effectivement n'a pas modifié le top 10, loin de là, et sur une adaptation vraiment dispensable, même si elle n'est pas parmi les pires. La série Monsieur Mercedes, nous en reparlerons à deux reprises, je ne sais pas encore quand. Quand nous ferons les deux suites, donc la saison 2, celle qu'on a mis actuellement dans le chapeau, est adaptée en réalité du troisième roman, Fin de ronde. Et le deuxième roman n'est adapté que dans la saison 3, et donc on ne le rajoutera que quand on aura déjà pioché la saison 2. Celle-là, on préfère la faire dans l'ordre. Et du coup, une fois on aura terminé la saison 3, donc Carnet Noir, on mettra l'Outsider. L'Outsider, je l'ai peut-être déjà mis, étant donné que c'est une autre saison, étant donné que c'est une autre, série, et qu'il y a vraiment une coupe, même au niveau des romans, il y a des personnages en commun, mais on repart sur quelque chose de différent. Donc je crois que l'Outsider est déjà dans le chapeau. Du coup, par contre, on mettra peut-être si ça saigne après l'Outsider, non ? Oui, si c'est sorti d'ici là, effectivement, ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas encore sorti. C'est toujours en cours de production, mais en effet, ouais. Et puis d'ici là, il en aura peut-être écrit d'autres avec Oli, vu qu'a priori, c'est en projet. Ah, il est tombé amoureux, vraiment. Ouais. Très bien, nous allons donc procéder au tirage au sort maintenant. Donc comme nous sommes en distanciel, je vais agiter la boîte et Chris me dira stop. Exactement. C'est à toi de piocher en premier, je ne sais plus. Précisons-le, le distanciel risque d'être bien plus courant maintenant que précédemment. Oui, pour ça, on a des meilleures conditions d'enregistrement. Bon, après, on essaiera de refaire en direct tout de même de temps en temps, faut pas déconner. Oui, quand même. Donc, allons-y. Qui avait pioché le premier la dernière fois ? Je crois que tu avais pioché le cobaye et moi, Monsieur Mercedes, mais je ne sais plus, tiens. Je crois aussi. Bon, du coup, c'est à toi de piocher le premier cette fois-ci. J'agite. Vas-y, agite, gros dégueulasse. Oh, c'est dit sur un tel ton. Stop. Hop, c'est bon, j'ai un papier. Il s'agit de You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et George Jorge Valdez Higa, qui n'est pas une adaptation mais qui est un hommage à King et à son univers en général. Qui a l'air d'être de la grosse merde surtout. Oh, pardon. Aussi, mais... mais ça, on verra bien. Et donc, à moi, j'ai un papier. Ah ! Oula ! Il s'agit de Shining de Mick Garris. Ah ! Très bien, eh bien, c'est un tirage au sort qui au moins nous évitera des lectures, c'est des visionnages plutôt courts, donc ça va faire une petite étape un peu reposante sur le prochain mois. Oui, reposante si on considère que regarder la deuxième adaptation de Shining, c'est reposant, quoi. Oui, bah, c'est pas trop long, on va dire ça. Oui, oui. mais avant la deuxième adaptation de Shining, nous aurons déjà You Can't Kill Stephen King. Ah oui. Voilà. C'est... Donc je ne sais pas ce que ça vaudra. Non, mais ça n'a pas l'air bon. Voilà. Faut le retrouver. Si j'ai mis dans le chapeau, c'est que c'est trouvable, mais. Oui, bah je l'ai moi sous la main, donc si besoin. Ah bah d'accord. Bah, je l'ai peut-être encore aussi, même si avec mes changements de PC, ça a dû sauter ça. Normalement, je l'ai encore sous la main, donc je tâche de t'envoyer la cassette que mon tonton m'a déjà envoyée. Ouais, voilà. Il n'y a pas de VF là-dessus, on est d'accord. Oh, je crois pas. Ouais. Non, c'est un truc un peu obscur. Bon, vous aurez encore des extraits VO sur ce coup-là. Voilà. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste sur Twitter pour toi. Et @cinémaarchiviste également sur Blue Sky. Et moi, vous ne m'en trouvez que sur Blue Sky, @chrislosttales. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, donc c'est The Lost Tales pour toi, où je suis aussi des fois, faut qu'on continue Spelunky, et où il y a Gans aussi, Gansuga et Tsum, de temps exactement. En temps. Sur moi, bah, c'est aussi Archiviste du cinéma, je mets le lien dans la description, et en ce moment, je suis entre autres en train de jouer à Alan Wake. T'es vraiment feignant comme mec, hein. Tu mets que les noms, les mêmes noms partout. Bah écoute, c'est plus pratique, hein. c'est de la communication. Hein. C'est vrai. Et du coup, Alan Wake, auquel on consacrera peut-être un épisode un jour, également. Oui. Tiens, j'ai même pas été voir ton premier live dessus, tiens. Même ton second, parce que t'en as fait un deux tirs. Ouais. Je commence à galérer, hein. Les jeux de tir, c'est vraiment pas mon fort, mais il est vraiment chouette, sinon. Ok. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, je fais des vidéos sur différents films, je prépare un nouveau batch de vidéos, ça va être très intéressant, je parle notamment des Godzilla, je fais une rétrospective en ce moment. Et pour le Vidéoclub, on se retrouve dans deux semaines pour You Can't Kill Stephen King. Et en attendant, n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert 5 jours sur 7. J'allais dire 5 jours sur 7. Ah, il prend les week-ends maintenant. changement de règlement. Non, n'oubliez pas qu'on est ouvert 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Salut. Salut.